avec moi si tu veux vivre. Et une chose encore. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Date de sortie, podcast cinéma où nous traitons d'un film, de quatre films, sortis le même mois de la même année. C'est Tom qui vous parle et avec moi une équipe de choc. Ses avis sont tranchants et piquants comme du wasabi. Salut Jess. Salut Thomas. Joli. Joli placement. Mais tu me l'as piqué, toujours. Je crois qu'il avait plossé celle-là l'autre coup. Ah ouais, c'est vrai. Oh merde, putain, on va le refaire à chaque fois alors. Ah, du coup, c'est même pas original. Bravo, merci la gueule. Vous l'avez entendu, il fait régulièrement Belfort-Dijon. Autant dire que la moutarde, ça le connaît aussi. C'est Storm. Salut Tom, ça va? Waouh. Salut tout le monde. Est-ce que tu vas faire trois introductions autour du thème de la moutarde? Eh bien non, puisque le quatrième de la bande, il n'y a pas de moutarde, il n'y a pas de condiment par chez lui, il y a juste du vous vrai, mais c'est déjà pas mal. Salut Flo. Salut, ça va? Passe de la moutarde, toi je sais pas, le vous vrai, direct. Bah toi, voilà. Ouais, toi les vous vrais, ta gueule, pas. Bah ouais, non mais... Non, mais si j'avais trouvé une épice quelconque ou un truc comme ça autour de ta région, j'aurais peut-être, mais là, malgré quelques recherches, non. Ouais, non, c'est vrai qu'on a rien du tout. Hein. C'était juste pour le placement produit, voilà. Wasabi, en début d'épisode, qu'il faudra évidemment refaire à la prochaine. Alors aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à l'année 1971 et au mois d'octobre. Tout à fait. Ce qui nous a permis de proposer quatre films. L'apprentie sorcière, titre français du film anglais Bedknobs and Broomsticks, si je dis pas de bêtises, Jess. Plus ou moins ça. Hein? Ok, plus ou moins ça. Plus ok, ou moins. Truc totalement inconnu. La Belle Sanglante, Lucas et French Connection. Alors, on a décidé de commencer avec le meilleur film qu'on ait vu. Au et monde. On est tous tombés d'accord. Tout le temps. Oh, voilà, de tous les temps. Pour se dire qu'on allait commencer avec L'Apprenti Sorcière. Voilà, choix de Jess. Un grand film de magie et de fantastique, signé Walt Disney. Bienvenue à Naboumbou et son lagon. Seul Disney pouvait déjouer dans la bonne humeur les enchantements de l'apprentie sorcière. Je compte sur votre fair play. L'apprentie sorcière. De la sorcellerie, du surnaturel, des chats noirs et des armures qui se transforment en soldats par magie. Disney Productions présente L'Apprenti Sorcière. Une sorcière peut voler. Enfin, presque. Jess, peux-tu justifier ce choix? Parce que d'habitude, c'est moi qui dois le faire. Là, c'est toi ce soir. Alors, vas-y. J'ai rien trouvé d'autre. Autant te dire que je suis un peu tendu. Justifie ce choix. C'était un pari. C'est pas forcément un pari gagnant. C'était un gamble, tu vois. Ben Nobbs and Broomsticks, que moi je connaissais bien sous le nom L'apprenti sorcière, parce que le pourquoi du choix, c'est parce que j'ai grandi avec ce film. Je l'ai énormément loué quand j'étais petite. On le regardait. Ça explique beaucoup de choses. Donc je l'ai vu plein de fois. Je ne connaissais pas les lyrics des chansons en anglais, mais je connaissais ça rimait dans ma tête à des paroles approximatives de chansons. On adorait les chansons, les costumes, bref. Donc pour moi, c'était vraiment Madeleine de Proust, gros souvenir d'enfance, et que je pouvais le placer. C'est un film anglais. Alors c'est basé sur une série de bouquins qui étaient en effet des romans anglais. Un bouquin, le premier, qui, je pense, qui était sorti en 1943, qui s'appelait The Magic Bad Knob, et puis un en 1947, juste après la guerre, Bonfires and Broomsticks. C'est produit par Disney, quand alors même, c'est ça. Le film, lui, c'est une production américaine, une comédie musicale, film fantastique américain, qui a été d'ailleurs tourné aux États-Unis. Alors, film fantastique, attends. Permets-nous d'en juger après. Alors... il est pas si fantastique que ça. Oh, il y a des dimensions fantastiques à mort. On est quand même... Ah oui, je vais donner le plot. On est sur l'histoire d'une apprentie... Donne-nous le plot. Ah oui, on est sur l'histoire d'une apprentie sorcière, comme il nous donne le titre. Mais en gros, on est dans les années 1943, il me semble. On est pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est même en août 1940, puisque... c'est la bataille de France est terminée et que les Anglais ont peur d'une invasion allemande. On n'est pas beaucoup plus tard dans la guerre. Ouais. J'ai hâte d'avoir tes analyses de l'histoire, Tom, sur vaincre ou mourir. Je pense pas qu'en 1940... C'est ce qu'il précise au début. Ah ouais ? Si au début, c'est marqué 1940, okay, ouais, je pensais qu'on était plus tard dans la guerre. Ouais. Parce que je voyais bien ça comme un outil de propagande plus, tu vois, fin de la guerre, on est proche de la fin, mais c'est pas grave. En gros, qu'est-ce qui se passait à l'époque ? C'est que beaucoup des enfants qui vivaient à Londres étaient amenés à la campagne, et on les plaçait dans des foyers à la campagne pour qu'ils soient hors de Londres, vu que Londres était bombardé. Je sais pas si c'était quotidiennement, mais toutes les semaines, je pense que oui. Du coup, dans le film, on a trois gamins qui arrivent... alors, je pense qu'ils arrivent près de Douvres, parce que les collines ont l'air près de Douvres, mais c'était tourné aux States, donc c'est ni l'un ni l'autre. Mais qui arrivent dans un village et on les place... Ils vont beaucoup moins se faire bombarder, alors, s'ils sont aux US. On les place chez une femme, Angela Lansbury, qui est... C'était quoi son nom dans le film, Madame Price, Miss Price, qui est une apprentie sorcière et qui suit des cours de sorcellerie en ligne. Donc, elle reçoit par la poste. Par correspondance. Ouais, correspondance. En ligne. Sur Internet. À l'époque, c'était sur Skype. Ça va. Il venait lui poser la fibre dans son petit village. Bonjour, c'est le technicien orange. Oui, c'est ça. Par correspondance. Et donc, elle reçoit des... On apprend qu'elle avait reçu un chat noir, et là, elle reçoit un balai. Il y a des formules, etc. Mais on apprend assez vite dans le film qu'elle est réellement une sorcière, et que quand elle prononce certaines formules magiques, elle peut jeter des sorts. Et elle est après la... Non, ça se dit pas, elle est après. Elle recherche la dernière leçon, en fait, pour achever le cours et pouvoir enfin être une apprentie sorcière. Truc fun sur le film, c'est que on retrouve... C'est un film qui va mêler certains moments d'animation avec de la prise de vue réelle. Et aux commandes de l'animation, on retrouvait Ward Kimball, qui avait bossé notamment sur Blanche-Neige. Je pense aussi... Alors, je sais plus lequel d'autre. Moi, j'aurais dit sur Livre de la Jungle. Ah non, je crois que c'était le truc avec le renard. Robin des Bois, c'est ça. Tout le bestiaire, il vient de là, ouais. C'est clair. Ouais, ça se ressent vachement. Oh, légèrement. L'ours, c'est Petit Jean, oui. Lion, c'est... Enfin, le lion, c'est le prince Jean. C'est vraiment... C'est du repompé, là. Ouais, là, je suis d'accord avec vous, mais ça a changé. Pour ce qui est... Non, c'est pas grave. Mais... Pour ce qui est réel, de tout ce qui était prise de vue réelle, on retrouve Robert Stevenson qui, lui, a bossé sur Mary Poppins. Je trouve que ça se ressent un petit peu dans l'approche des deux. Et ce qui est drôle aussi, c'est que l'adaptation des droits pour avoir les droits pour ce film aussi, donc L'apprentie sorcière, elle s'est faite à un moment où les négociations pour avoir les droits d'adapter Mary Poppins avaient été suspendues, tu vois. Donc, ils pouvaient pas avoir les droits pour Mary Poppins. Ils se sont attaqués à ce bouquin-ci, enfin, à cette franchise-ci. Ils ont obtenu les droits, mais une fois qu'ils avaient donc acquis les droits, ben, c'est Mary Poppins qui a pris le redevant de la scène et ce projet-ci avait été mis un petit peu sur les... Mais Mary Poppins, il est sorti vachement avant. Ouais, Mary Poppins a fini par sortir avant, finalement, tu vois. Ah oui, bien avant. Ouais. Le film avait reçu un accueil assez mitigé de la part des critiques, mais il a quand même été nommé aux Oscars 5 fois, d'ailleurs, et il a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels. C'était... Je suis assez d'accord. Pour les effets visuels, ouais. T'es assez d'accord ? Oh, franchement. Ah, je pensais que c'est ça qui allait te déranger le plus dans le film. Je pensais que pas c'était du tout. Là que votre colère allait naître. Ah non, il y a des incrustes qui sont vraiment top. Franchement, les incrustes sont top. Non, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, je trouve ça démérite pas du tout. Ok. Ben, pour tout ce qui est la séquence, vous voyez quand ils arrivent à l'île de Naboombou et qu'il y a tout un match de foot et tout. Filmer ça, ils ont utilisé un procédé que moi, je connais pas trop. Le procédé à la vapeur de sodium qui avait été mis au point par un gars qui s'appelle Petro Vlahos dans les années 60. Ils ont fait un putain d'aquarium dans une salle et puis après, on fait un match de foot. Voilà, c'est tout. C'est intéressant. Et alors par contre, ce qui était moins fun pour... J'ai pas donné le cast. Au cast, on retrouve Angela Lansbury. Je pense qu'on la connaît tous pour Arabesque. Jessica Fletcher. Ouais, Jessica Fletcher, c'est ça. On retrouve... Muriel Robin. Ah ouais, il y a un petit air de... T'as pas tort. J'ai trouvé qu'il y avait un petit air de Muriel Robin dans le film. J'ai fait ouais, ok. On retrouve David Tomlinson qui, lui, jouera le rôle de Emelius. Mary Poppins. Qui est le mec, le petit scam artiste qui dit qu'il a le cours de sorcellerie et qu'il peut envoyer toutes les étapes pour devenir une vraie apprentie sorcière. Les gamins, par contre, je sais pas si on les connaissait, Ian Wakeley, parce que oui, voilà, ces trois petits gamins qui arrivaient chez cette apprentie sorcière, c'est deux frères et une sœur, interprétés par Ian Wakeley, et j'ai pas les deux autres. Par contre, Cindy O'Callaghan et Roy Snart, ouais. Le tout petit gamin, je pense. Ouais, bon, oui, c'est ça. Il y a pas de carrière derrière. Enfin, après, c'était ouais, les années 70, c'était peut-être pas toujours facile pour les gamins de continuer dans le milieu de Hollywood. Je sais pas trop. Après, moi, je les trouve mignons. Pas... Tu vois, les petits trois, ils m'ont jamais dérangé. Sauf Charlie, le frère le plus âgé, qui m'énerve un peu parce qu'il veut le jamais voir à rien. Il veut jamais aller. Je veux pas aller à Naboombou. Fais pas chier. On va à Naboombou. C'est le passage vers l'âge ado. Moi, le truc tout. Qui m'a fait déconner, c'est que j'ai toujours associé ce film à l'Angleterre, vu que l'histoire qui s'y déroule se déroule en Angleterre. On est pendant l'occupation en France par l'Allemagne, et donc l'Angleterre a très peur d'une invasion. Et pourtant, tout a été filmé en Californie, au studio Burbank. Et les scènes côtières ont été filmées sur une plage, quoi, en Californie. Et puis, les scènes au début, quand elle arrive dans le village en moto avec, tu sais, la poudre de soufre derrière, etc. Ça a été réalisé à l'aide de matte paintings par un artiste, quoi. Du coup, pour moi, c'est un petit peu un mythe qui s'écroule parce que j'ai toujours cru que c'était un film purement anglais filmé en Angleterre, dans un village en Angleterre, alors que pas du tout, c'était filmé aux États-Unis. Un truc que Angela Lansbury n'avait pas trop aimé, c'est que, en fait, comme le film mélange beaucoup d'effets fantastiques d'effets où tu mélanges animation et prise de vue réelle, pour les acteurs, c'était un peu chiant parce que tout était super storyboardé, plan par plan, et donc elle avait l'impression, Angela Lansbury, que sa prestation était super mécanique, que c'était pas très organique du tout et que c'était pas facile de donner des répliques quand tu t'adresses à des choses qui n'existaient pas. À rien, en fait. Et qu'on est dans les années 70, donc on a pas mal évolué à ce niveau-là. Quand les acteurs, parfois, s'adressent à rien du tout, on met des processus en place pour qu'ils aient l'impression de s'adresser à quelque chose ou qu'ils aient des points de référence visuels un peu plus précis tu vois, ce point-là. Apparemment, ça reste compliqué quand même. Hein. C'était Ian McKellen qui avait dit pour le Hobbit que c'était une catastrophe, qu'il en était déprimé de tourner sur que du fond vert où il voyait rien. Clair. Mais je pense que pour le Hobbit, il y avait des problèmes dans le sens où ils utilisaient les effets numériques pour trop de trucs et que peut-être que Ian McKellen essaie de dire il y a des choses où on pourrait quand même maintenir une majorité de prise de vue réelle et puis apporter 2-3 éléments qui sont soit CGI ou... C'est-à-dire qu'au départ, sur certains films, ils gardaient un semblant... Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'à une époque, ils gardaient encore un semblant de décor sur du fond vert, mais t'avais quand même un semblant de décor physique qui était présent. Maintenant, les trois quarts du temps, ils se font plus chier. Hein, c'est un fond vert total. Hein. Ah bah, il y a quasiment plus rien de présent sur le. Il y a énormément de repères. T'es dans une énorme salle verte. Bah, c'est ça, tu joues devant rien. T'as... Ouais, tu joues devant rien. Ouais, dans, ouais, apparemment, ça l'avait vraiment, c'est un truc qui l'avait vraiment marqué. Quoi. Bah, et dans ce film-ci, on a donc des effets. Alors que ça me surprend que vous ayez aimé justement le côté où on mélange dessin animé et puis les personnages réels. Donc quand nos protagonistes vont se rendre sur l'île de Naboombou parce que le roi de Naboombou, qui est donc un lion, possède la dernière page dans des romans de formule. Ah non, oui, le médaillon. Non, il possède pas la dernière page. En fait, il possède le médaillon qui permet de voyager un peu. Parce qu'il lit les incantations et puis l'étoile se désintègre, mais on apprend que tout était dans le comics de toute façon que le petit garçon avait et que du coup, c'était même pas nécessaire d'y aller. Mais c'est pas grave. Oh, j'adore ce film. Mais je pensais que c'était. Et encore, moi j'ai pas dit que j'avais aimé. Ouais. Je tiens à préciser. Je pensais que Storm allait être du même avis que toi et qu'ils auraient sans doute. Dis, écoute, en tant qu'effet de mêler animation et prise de vie réelle, je sais que vous aimiez bien Roger Rabbit et je pensais que vous alliez me dire que vous préfériez Roger Rabbit à ceci. Oui, mais Roger Rabbit est plus récent. C'est plus récent, faut mettre dans le contexte. Mais après, quand tu prends Disney, ils ont fait beaucoup de choses qui étaient classe. T'avais Peter et Elliot le dragon qui était vachement bien avec ce système-là. Non, moi, c'est un truc, ça me pose zéro problème, moi. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Non, après, effectivement, ça se voit un petit peu, mais c'est pas non plus. Faut pas oublier que c'est sorti en octobre 71 et que c'est le début de tous ces trucs-là. Et tu fais, ah oui, quand même, ils ont réussi à faire des choses pour qu'on y croit un minimum, quoi. Enfin, qu'on y croit un minimum. À l'époque, ils y croyaient. Je comprends ce qu'elle dit quand t'as l'impression que c'est un petit peu trop mécanique. Enfin, que tu vois bien qu'il regarde pas forcément dans la direction de l'animal en question qui est en train de marcher vers lui. Mais c'est une direction approximative, tu vois. Bah c'est hyper dur de réagir sur un dessin animé comme ça où toi t'es censé, tu vois, les positionnements, c'est hyper compliqué de dire la main sera à tel endroit à tel moment, le truc sera à tel, c'est vraiment dur. Donc ouais, je pense que ça devait pas être facile de... C'est sûr que tu peux pas vraiment jouer comme elle aurait voulu jouer. T'es obligé de respecter un script et puis d'être plus dans le... Après, non, c'est pas choquant. Pas je comprends ce qu'elle veut dire. Moi, ça m'a pas choqué. Je me suis dit, en fait, que j'avais un peu oublié que c'était un film comédie musicale, ouais, et je sais que c'est pas trop votre tasse de thé. Ah ouais, t'avais oublié. Ah ouais, depuis quand c'est votre tasse de thé? Alors, peut-être pas forcément une comédie musicale dans 71 qui s'adresse majoritairement aux enfants, tu vois. Je me suis dit, alors, vous voyez, je sens que ça va pas trop leur plaire. Moi, je vais balancer mon avis, parce que je pense que j'aurai jamais un avis négatif sur le film, parce que c'est trop synonyme de mon enfance. Ouais, j'ai trop grandi avec, j'ai trop loué cette VHS. On le regardait tout le temps. Je trouve pas qu'il ait énormément de défauts, mais je les vois sans doute pas. J'aimais bien, quand j'étais gamine, j'aimais bien le fait que l'héroïne, c'était une meuf un petit peu rebelle, quoi, qui rejetait les standards de la société, de ce qu'on attendait d'elle. Elle en a rien à foutre quand elle est dans le quand elle se balade dans le village sur sa moto, avec sa moto qui souffre du soufre jaune dégueulasse et tout. Elle en a rien à caler. Et que elle se retrouve embrigadée dans une aventure avec ces gamins qui, eux, enfin, ça doit être stressant, tu vois, c'est une période de guerre, t'es plus avec tes parents, on te dit que c'est pour ta sécurité, mais t'es quand même, tu dors plus chez toi. Bon, eux, ils veulent faire la fugue, et puis ils décident de tous partir à l'aventure ensemble, et j'aime beaucoup le message. Après, c'est vrai que c'est quand t'as un film qui tape sur des nazis, c'est facile de dire que, bah oui, c'est bien, parce que tu tapes sur le fascisme, bon, ok, c'est facile, tu vois. Oui, sûr que bon, ça mais aide. J'aime bien c'est l'approche plus simple, pour les gamins, j'aime bien l'approche que ça prend, j'aime énormément le fait que ça mêle animation et film prise de vie réelle, parce que je m'y attendais pas quand j'étais petite, j'en avais pas vu beaucoup, à part Who Framed Roger Rabbit. Je pense que j'ai vu aussi. Ouais, mais ça, mais tu regarderas Peter et le dragon. Ah, ok, mais pas le l'ancien, hein, pas le remake. Hein. Pas le remake. Non. L'ancien. Non, le film des années 70. Ah, oui. Mais j'ai pas un énorme souvenir de l'histoire. Et j'ai hésité à regarder le remake parce que j'ai entendu que c'était pas trop dégueu. Mais je l'ai pas vu. Ah, c'est pas mal, mais quitte à faire, ouais, vois l'original. Autant voir l'original. Si t'es bien sur ce genre-là, vois l'original. Mais ouais, du coup, je suis impatiente d'avoir vos avis. Au cas où, je suis désolée de vous l'avoir imposé si vous avez passé un très mauvais moment, mais j'espère que c'était pas le cas. Tom, t'as kiffé mon cadeau? Ouais. Alors, ah, tu balances tout de Tom direct. Alors, elle veut enlever le sparadrap, je pense. Ouais. C'est ce que je disais à Flo tout à l'heure. Je dis, on va enlever le sparadrap rapidement, comme ça, ça sera fait. Comment, voilà, déjà, le fait de découvrir pendant le film que c'est une comédie musicale, ça m'a profondément énervé. Ça m'a flingué. Vous connaissez mon amour des comédies musicales, et donc forcément, à un moment de voir ça, je me suis dit, oh putain, ça y est, elle nous a fourgué sa comédie musicale de son enfance. J'en peux plus, j'en pouvais plus. Je crois que j'ai pris la décision au bout de 8 minutes d'arrêter le film. Non, alors non, parce que comme je le dis souvent, c'est moi je suis jamais sorti d'une salle pendant un film, tu vois, je vis jusqu'au bout. Sauf de son salon. Mais de mon salon, pareil, tu vois, je dis allez, je bouge pas, je regarde le truc. C'est long. Mais c'est un film qui dure quasiment 2 heures. Donc je me suis dit je vais pas m'infliger ça pendant 2 heures. Donc au bout de 10 minutes, je suis passé à la vitesse supérieure. Je l'ai regardé en 1,4, qui a réduit le temps de visionnage à peu près à 1h30. Et ce qui a sauvé 30 minutes de ma vie. Et ce qui, déjà, est pas mal. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, en 1,4, les personnages avancent un petit peu plus vite. Hein, chantent plus de vite. Why not voilà, c'est... Alors, ça parlait même pas plus vite, en fait. Mais donc, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai sauvé une demi-heure sur le truc. C'est déjà pas mal. Mais non, c'est pas du tout mon... C'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout mon truc. En plus, voilà, ce mix, c'est mix Mary Poppins, dessin animé, qu'est-ce qu'on pourra rajouter, une louche de Mary Poppins, de je sais pas de je sais pas quoi en plus, enfin bref, non, c'est pas du tout mon kiff. Voilà, j'ai pas apprécié le film du début à la fin. Je suis pas rentré dedans. Même quand t'as vu des pauvres gamins qu'ils peuvent pas rester avec leurs parents parce que c'est la guerre et ils doivent être abandonnés chez une madame, ça ne te fait rien? Ah, je suis pas la cible. Les gamins, t'as juste envie de les tarter. De toute façon, ils ont qu'une envie, c'est de se barrer la première nuit où ils sont là, et ils restent parce que on découvre que la nana qui nous héberge, c'est une sorcière. Oui. Et en plus de ça, on va la faire chanter. Ouais. Parce qu'on est des enculés de drôle, gamins. Okay. Eh ouais, ouais, trop ouais, drôle. Ouais, ok, ouais, ouais. Très bien. Ils sont un peu mignons, le petit Paul. Enfin une expression qui existe. Ça, c'est sûr, ils n'ont pas inventé la machine à courber les bananes. Ouais. Parce que si tu l'avais vu quand t'étais petit, tu aurais potentiellement pu accrocher. Tu vois, j'étais en train de me posais la question en sens inverse, c'est si je regardais Roger Rabbit aujourd'hui, est-ce que c'est un film que j'apprécierais autant que je l'ai kiffé quand je l'ai découvert. Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Dans mes listes de films à regarder là, sur mon backlog, sur la box, j'ai les Goonies, que j'ai jamais vu, mais je me dis si je regarde, je pense que je regarde ce film aujourd'hui. Tu vas peut-être pas aimer, ouais. Ah, ça va être très compliqué. Mais je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Peut-être oui que si je l'avais vu quand j'avais 6, 7, 8, 9 ans, j'aurais peut-être kiffé le truc, mais là, comme dit Flo, je suis pas la cible. Et même le côté où on tape sur des nazis, ça t'a je me suis fait chier comme un rat mort. De joie. Ah non, alors, déçu, non, ça. Parce que... Mais ça l'a déçu, ça. Déjà, c'est pas des nazis, c'est la Wehrmacht. Ouais. Donc voilà, les mecs, ils ont pas des uniformes de SS. Je connais cette théorie. Vois, donc c'est... Voilà, ils ont pas la croix gammée sur le bras et tout. Donc bon, voilà, c'est des soldats... Ils y sont pour rien, hein, on les envoie eux au front. Voilà, eux, je suis désolé, eux, ils suivaient des ordres. C'est comme ça, ils y sont pour rien. Mais non, même ça, c'est pas très bien fait. Les mecs sont caricaturaux. Tiens, préciser que c'est quand même un film pour les enfants, tu vois, c'est une production de Disney. Il n'y a rien qui va. Pour les... Ouais. Je cherche pas... Ah bah largement, c'est totalement... C'est fait pour les gosses. C'est très profond, il n'y a pas... C'est une thématique de fou. Ce qui est triste aussi, c'est que... On est d'accord. Et pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas avoir ça pour les enfants? Moi, j'ai cru que c'était la vraie histoire. Quoi? J'y ai vraiment cru, moi. Le dernier film qui est sorti avant le décès de Roy au Disney, donc le frère survivant de Walt Disney. Et parce que lui, il est mort une semaine après la sortie de ce film. Je dirais pas ça. Après, c'est vrai c'est que... C'est le film qui l'a tué. Il l'a vu, il est mort. C'est ça. Le film, maintenant, est assez long. C'est plus de 2 heures, mais la version initiale était plus courte. Et donc, ils ont remonté le truc plusieurs fois. Ils ont rajouté des chansons qui avaient été, tu vois, enregistrées, mais ils les avaient coupées du film et puis ils les ont remises. Donc, peut-être que la version que moi, je voyais quand j'étais gamine était plus courte que celle-ci. Qui durait 2h20, mais pourtant j'avais l'impression de me rappeler de tout. Après, maintenant tu sais, ouais, Tom il a la solution, je voulais dire, ouais. Regardez-le en 1,5, ça durera moins longtemps. Tu tronches de ce côté-là ? Non, pas forcément, parce que, en fait, quand tu analyses bien le truc, les trois premières minutes, c'est le générique, oh, et ça te raconte toute l'histoire. Allez. Donc t'as juste à regarder les trois minutes du film, et c'est bon, hein. C'est vrai. En fait. Une bande annonce. La bande annonce. Dessiné, c'est ça. Bah, c'est ça, tu vois le truc. Oui, bon, bah, c'est bon, j'ai vu le film. Non, après, je reviens sur ce que je disais. Effectivement, moi, je trouve que les effets spéciaux sont plutôt pas mal foutus pour l'époque. Que ce soit bah, les apparitions, disparitions, changements en lapin ou même l'armée. Après, effectivement, je pense que je suis pas la cible parce que autant j'aime bien ce mélange animation, prise de vue réelle, autant là j'étais chiant. Enfin, je pense qu'effectivement, je l'aurais vu enfant, j'aurais été ah ouais, trop bien, tu nous proposes ça, je vais le revoir. Mais là, c'est bon, ça, je vous le reconnais. Et puis ça dure 2 heures, hein. c'est ça qui est long, tu fais bon, allez. Oh putain, ne fais pas ça, c'est bah si, allez, t'en as pour 10 minutes en plus, super, allez, et pareil, en VF, je sais pas comment toi tu l'as vu, Jess, mais en VF, voilà, ah ouais, vache, comment, enfin, l'argot qu'ils utilisent et tout, tu fais, t'es sur la VF, vas-y, la VF d'époque 70, quoi, là, ah ouais, la VF d'époque, ah, l'enfer, quand il dit, la putain de t'es mort et tout, mais j'en revenais pas, quoi. Non, je rigole. Non, mais en fait, ils utilisent un argot qui je pense était utilisé, enfin, en tout cas chez nous à la campagne et tout. Et tu fais oh là là, ça parle, mais ou alors je sais pas si c'est un truc parisien ou je sais pas, mais j'ai trouvé ça assez particulier, la VF. Mais je crois que c'est la VF qui avait été redoublée en plus qu'on a. C'est possible. Sorry, j'ai pas donné la date de sortie, mais c'est... Ouais, mais et c'était puis pareil, juste... Bah, c'est octobre 71, ouais. La date de sortie. C'est juste au Royaume. Je crois que tu t'es pas foulé. Voilà. Ouais, non, sorry, Flo. Je t'ai coupé pour ça en plus. Laisse tomber. Non, mais t'inquiète. Rappelez-moi, on est à la combien dixième émission et le concept, Jeff, vraiment, c'est... On sait partir sur un concept fort. Est-ce qu'on a bien déclaré qu'on partait en octobre 71 aujourd'hui ? Et puis... Ah merde, putain. Oui. J'ai commencé comme ça. Pas 61, 71. Ok, ok. Alors, on va y arriver. 71, si tu préfères. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que je... Ah bon, j'ai compris 61. Mais c'est pareil, les musiques... J'ai pas trouvé ça transcendant. Et j'ai... Oh, putain, j'ai trouvé ça si long. Vite. Pourquoi wasabi. J'aurais préféré Shaggy. Surtout celle-là, je l'ai trouvé très très long parce que ça commence dans une rue, ils visitent pendant 20 minutes, après, il y a 30 minutes des chœurs de l'armée rouge ou je sais pas quoi, là, qui dansent comme des connards. Tu fais, mais ça va, ta gueule, on s'en fout, on recherche une page sur un marché, on est des soldats, on danse, t'as des bataillons de plein d'ethnicités. D'ailleurs, le film tient à montrer une variété d'ethnicités. Et de danse culturelle. Mais je veux bien. Mais moi, perso, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui va me faire rentrer plus dans le film. J'avais l'impression de voir dans cette scène. Moi, j'avais l'impression de voir une ligne de chemin de fer indienne. Tu sais, en Inde. Genre où t'as plein de trucs et en 3 secondes, quand le train il arrive, tout le monde s'enlève. C'est impressionnant. Ce morceau. Ouais. Là, c'était pareil. Ouais, mais. Quand même. Franchement, on aurait pu gagner 2 voire 3 minutes le truc. T'as l'impression que ça dure 20 minutes. Ah non, mais ça t'enlèves toutes les parties chantées, tu gagnes une demi-heure. Ah, je pense. Et alors, en 1,4, bah, le film dure 1 heure. Et c'est que du bonheur. Mais autant, il y a certains trucs, pourquoi pas, quand ils sont sous l'eau, qu'ils commencent à danser, pourquoi pas. Mais tous les morceaux sont trop longs, en fait. Tu devrais enlever à chaque fois, je sais pas, je dirais environ, allez, un tiers, voire la moitié d'un morceau à chaque fois, parce que c'est long et ça n'en finit pas. Tu fais... quand est-ce que ça s'arrête ? Ça commence, tu dis ouais, c'est gentil. Et au bout de 5 minutes, tu regardes ta montre, tu fais oui, ben on a compris en fait le refrain. Ouais, voilà. Et une 17e fois le refrain. Eh ben qu'on a toujours compris. Donc qu'est-ce qu'on peut arrêter ? Non, je sais que je suis pas objective. Hein. Je comprends totalement la critique. Et j'ajouterais même que. Je sais, puisque tu n'es pas objective, mais je les trouve juste très longues. Après, je dis pas que c'est forcément un film. un film pourri, nul à chier. Hein. Il est, enfin, il se laisse regarder, mais les numéros musicaux... La croix et la bannière pour toi. Et pourtant, ouais, j'aime bien les comédies musicales. Tu fais, waouh, long. Sans être la croix et la bannière, comme je te dis, au début, ça commence bien, et puis à un moment, tu dis, oui. Mais je crois que le problème, c'est parce que J'ai compris le refrain. Ouais. Je sais que c'est parce vous voulez que ça rentre dans la tête, mais stop. Écrit. Moi, je vais me suicider à un moment. Pour qu'elle reste en tête, faut les répéter beaucoup. Enfin, faut répéter beaucoup le refrain parce que comme ça, t'es sûr que les gens s'en souviendront. Et c'est pas parce que c'est bien. Ouais. Et du coup, c'est répétitif, mais. Ouais, mais là, non. Là, pour moi, c'est. Et c'est répétitif. Non. Et comme elles sont toutes comme ça, je les ai toutes oubliées en fait. Portobello. Bah si. Bah, mais je te... oui, quand il danse. Il y en a aucune qui m'a marqué. Là Portobello Road, tu viens de me la remettre en tête en fait. Mais c'est tout. Et t'as juste le Portobello Road. C'est tout. Si celle-là elle reste non, en tête. Non, bah non. Storm, tu tranches du même avis que les deux bronchons. Ça va être très long. Non. Je sais pas, moi je l'ai vu en 180, j'ai rien compris. Ah oui, des bronchons, c'est pas un monde. Non, le film faisait 2 minutes 37. Bah c'est non. Toi qui as inventé, hein. Ah mais on te laisse maintenant, Jess, t'inquiète. Oui, si on relevait tout le temps les épisodes, on n'a pas que ça à faire. Donc, les enregistrements, ce serait comme les chansons dans l'apprenti sorcière, voilà. Ce serait trop long, donc... non, moi, alors je pense que je l'avais jamais vu, honnêtement, parce que, ou en tout cas, je ne m'en souvenais clairement pas, mais je pense que je l'ai jamais vu. Bah en fait, le souci, c'est que... Ouais. Bah je suis trop vieux, en fait, je suis plus cœur de cible, quoi. Je vais rebondir sur les mêmes défauts qu'à peu près les autres, voire même un peu toi. C'est... Ouais, il est long. Là, j'avoue, il est long. Quasi 2 heures, il est un peu long. Après, sur le côté comédie musicale, je m'en doutais quand même fortement, même sans le connaître. Je veux dire, du Disney de ces années-là, je m'attendais quand même à ce qu'à un moment, ça chante un peu. Effectivement, ça chante un peu. Les numéros... les numéros musicaux... Pff. Ouais, c'est... Moi, je suis un peu comme Flo, j'ai rien contre les chansons, mais elles m'ont pas plus marqué que ça. Alors après, effectivement, Portobello, là, à la limite, parce qu'elle dure tellement longtemps que, bon, d'un moment, ça te rentre dans la tête, quoi. Après, le film en lui-même, bah, ça reste une production Disney de ces années-là, donc c'est foncièrement pas mauvais, hein, on peut pas lui jeter la pierre, je veux dire... pour un gosse, je pense qu'effectivement, tu mets un gosse là-devant, tu fais sa journée, il y a aucun problème là-dessus, hein. Et je pense que c'est un film que j'aurais vu gosse, j'aurais certainement un meilleur affect que j'ai par exemple avec Mary Poppins ou des films comme ça que j'ai vu enfant, qui me sont restés. Même si c'est pas des films que je remettrais forcément de moi-même dans la platine maintenant ou des trucs comme ça, mais c'est des bons films doudous à souvenir. Celui-là, je l'ai pas avec, puisque honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Donc pour moi, je pense que je l'avais jamais vu. Tout ce qui est côté technique, moi, il n'y a pas de problème. Hein, l'incrustation, le côté animé mélangé, j'ai pas de souci avec ça. Moi, je trouvais que c'était cool. Ça redynamise le film. Ça change un peu dans le film, quoi. Ça te permet de voyager un peu. Que tout le temps rester autour du cottage, machin. Là, bon, ça va donner un peu un côté fantastique au film où tu pars. Et puis après, j'avais peur que ça reste que là-dedans. Puis au final, non, c'est juste une partie. Tu reviens. Après, effectivement, il y a beaucoup de trucs qui sont très caricaturaux, les nazis, tout ça. Mais bon, comme on dit, tu restes pour un film pour gosses. Donc, t'allais pas faire des gros nazis méchants à la Inglorious Bastard non plus. Donc, ça aurait été marrant. Non, voilà. Une balle dans la tête. Alors, Portobello Road ou pas? Donc, c'est pas dérangeant. Sur l'ensemble du film, j'ai pas de problème. Je suis juste pas la cible, en fait. Enfin, je suis plus la cible. C'est même pas je suis pas la cible. Je suis plus la cible. Après, je pense que oui, avec un gamin, tu le remets. Ouais, y a pas de souci. C'est un film qu'il faut voir enfant. Je pense qu'après, tu peux aimer quand même le film maintenant, hein, même si tu l'as pas vu avant. Après, moi, je serais plus le cœur de cible. Mais non, il m'a. Je l'ai vu une fois, je t'avouerai, je ne le remettrai pas de moi-même tout seul pour le regarder. Peut-être maintenant qu'avec un gosse ou quelqu'un, lui remettre et le regarder avec, certainement. Donc non, ça n'a pas été une purge à regarder, ça n'a pas été un calvaire à regarder. Par contre, je l'ai vu, voilà, de moi-même tout seul. Est-ce que vous ne trouviez pas qu'il y avait une petite ressemblance sur la fin quand les espèces d'armures du musée viennent s'attaquer aux Allemands? Ouais, oui, pardon, Evil Dead 3. Du 3, et que oui, t'as l'armée, oui, du 3, c'est un peu le même délire, tu vois. Oui, un petit peu. C'est pour l'armée ça que je trouvais que justement l'armée des calavéreux avait un petit côté où tu te dis que ça s'adresse aux gamins, parce que dans ce film aussi c'est un petit peu le même délire. Bah, il était plus toonesque, bien sûr. Il était beaucoup plus toonesque. Mais non, après, voilà. Après, au niveau acting, Angela Lansbury, moi j'aime bien, j'étais content de la voir. Ah ouais. De Mary Poppins quoi. David Thompson, il était dans Mary Poppins. Donc bah oui. Oui, ah, c'était oui, le Le père dans Mary Poppins, si j'ai pas de conneries, des enfants. Donc pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est pas plus la cible maintenant, c'est tout. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Oui, mais t'as eu raison, c'est pas un mauvais pari. Et je comprends parfaitement. Tu savais ce que tu faisais, Florent. J'ai qu'à ceci, c'est un pari. Oui, c'est vrai. Mais je comprends qu'effectivement le film te plaise et t'es marqué. Si tu l'as découvert enfant, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr que tu le gardes. C'est les VHS que, ouais, comme tu dis, qu'on a tous eu, qu'on a tous poncé. Entre ceux qui avaient. Enfin, moi, je sais même plus ce que c'est. Conan le Barbare. Poppins. Ouais, un peu après, ouais. Je suis plus poncé Die Hard que les Mary Poppins. Ah, ben moi, oui, non, mais moi aussi. Mais quand j'étais plus jeune, non, c'était quand même. C'était beaucoup de Disney. Curieusement, c'était le chat avec la mère. Disney et le secret de Nîmes. Donc, oui. Don Bluth, ouais. Don Bluth, forcément. Ça, c'était exceptionnel, ça. Mm-hmm. Un que j'aime beaucoup de Disney, mais qui est pas trop aimé, qui c'est tout, c'était Taramel, le chaudron magique, ah ouais. Hyper, oui. Très noir, mais un très très bon. Ben non, toute cette période de la Disney, effectivement, quand t'es gosse, et même avant, hein, donc Mary Poppins, l'apprenti sorcière, tout ça, c'est sûr que si. T'es gosse, tu tombes, on te met sa gosse, toujours un bon souvenir, oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Si, il y a un truc moi qui m'a fait rire, c'est qu'elle est apprentie sorcière, elle prend des cours, donc quand tu prends en des ligne. Cours, t'es apprenti en ligne, d'accord. Prends des cours en ligne. Des cours en ligne. Est-ce que vous avez essayé de débrancher, de rebrancher Et on va voir si vous me suivez, donc on est d'accord que quand tu prends des cours, t'es apprenti. Bah oui, donc elle est déjà apprentie sorcière. Voilà. Elle est déjà apprentie et elle veut la dernière formule pour devenir apprentie. C'est pas mal, hein. Mais c'est pas comme... mais elle est apprentie stagiaire. Voilà. Elle est en train d'apprendre. Ah, il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. Là, ouais. Après, c'est pour être rémunérée, je pense. Parce que moi, je pensais que quand elle aurait le dernier coup, elle serait sorcière et non pas apprentie sorcière, vu qu'elle est déjà apprentie sorcière. Donc, ça n'a aucun sens. Il y a, oui, après, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Beaucoup de choses qui ne font pas sens dans ce film. Ouais. Bon, désolé. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Vous n'avez pas autant souffert que devant Jackass. Ou devant... Quels ont été les films qu'on a vus ? Oh, le truc de... Oh non, en vrai, elle revient là, tu sais. Non, le pire, c'était celui de... Tout ça pour se dédouaner. Moi, j'avais choisi le truc que c'était même pas des loups-garous, c'était juste des loups. Wolfen. Wolfen. Ah, ouais. Quand même pas Wolfen. C'était tellement long. Ouais, ça, c'était ma pire expérience. Ou alors ton truc japonais, là. Mon truc expérimental. Allez, prédiction. Shinobi. Ouais, mais là. Non, Shinobi, elle balance des noms. Ouais, c'était Sakebi. Shinobi, c'est un jeu sur Mega Drive. Sakebi, ouais. Mitsubishi. Infernal. Tu sais, Toyota, je sais pas quoi. Toyota Honda, ouais. Ouais, Toyota Honda, ouais. Avec Pikachu. Moi, je pense que Ben Nobs and Broomsticks, on n'est pas là-dedans. On est quand même un cran au-dessus. Tu n'en sors pas avec des séquelles graves. Non, Tom. Après, oui, Tom, t'as vu ce qu'elle fait tout ça pour justifier que c'était pas si mal. Non, mais c'est. Où est-ce qu'on le grave ? On le grave au-dessus de. Personne n'est dupe. Oh, cette manipulation des faits. Totalement. Après, voilà, le para puis au-dessus Ben Nobs and Broomsticks. Là, ça me semble. Oui, bien sûr. T'as pas mis d'étoile, Jess, sur Letterboxd. Sur Bad Nobs ? À l'apprenti sorcier. Si, j'ai mis 3,5. Parce que je me rends bien compte que c'est pas un film exceptionnel, c'est juste que je sais que donc j'ai un affect. Mieux que le parrain, donc. Oui, mieux. Non, parce que le parrain, je l'ai aussi revu un peu à la hausse. Je me suis dit, tu sais quoi ? En fait, j'ai vu tellement de trucs pires, en fait, que c'est vrai, tu as besoin de plus d'étoiles. Elle a eu une épiphanie, une petite remise en question après Jackass. C'est une technique pour aimer les films. Hein. Tu regardes plein de films de merde et après tu revois à la hausse tous les autres que t'as vu. Ah bah c'est bizarre. C'est peut-être d'avoir enchaîné 7 Détours Mortels, Wasabi et Halloween Résurrection sur un seul mois. Où je me suis dit... Attends, pourquoi Wasabi il est dans le lot là ? Qu'est-ce que t'as contre les patates de forain ? De seigneur, les patates de forain, les patates de seigneur, la gifle de cow-boy. Enfin, ouais, la gifle de cow-boy. Et c'était le fils du préfet. Le fils du préfet. Est-ce que ça vous tente de passer au film suivant ? Ouais, On a tout dit. Bah ouais, allez. Vous savez pas. Bon, ah bah, là, on commence à parler de Wasabi. À quel moment, moi, j'ai pas dit, j'ai pas aimé. Non, non, mais je comprends mais, que c'est pas du tout. Vous êtes elle met tout le monde dans le même. Oui, vous avez pas. Oui, mais ne plus mettre l'audience, ça veut pas dire que c'est de la merde. Ah, c'est pas parce que moi, je suis plus forcément l'audience que le non, film. Non, mais t'as même pas retenu les chansons, quoi, Storm, s'il te plaît. Bon, alors après, t'exagères sur les comédies. Oui, on va. Tiens, c'est des chansons comme ça, de toute façon. Donc, non, là, honnêtement, les chansons, elles m'ont pas marqué. Autant je pourrais te ressortir celle de Mary Poppins. Ah oui, super canifragile. Bah bien sûr. Ouais, c'est vrai, Mary Poppins. Chum chum. Enfin voilà. Banger. Donc, non, voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est. Ça fait 2-0. Avant, c'est quand tu l'as vu qui va faire que tu t'arrêteras dessus et c'est tout. Voilà. Et bon, on passe au film suivant. On va parler du CAS. Film proposé par Flo. Au nom de la loi, je vous arrête. Mon cul. Oui. Effectivement, on va parler du CAS. Tu es avec nous. Oui, non, mais je suis là. Mais c'est que je suis pas habitué. D'habitude, on me. Oui, t'es premier à parler. Premier à parler, puisque mon film, on dit, allez, on arrache le pansement tout de suite, et après on enchaîne. C'est et là, on fait ça, et après on fait le CAS. Oh, j'étais. D'accord. Je sais même plus quoi dire. Donc effectivement, le CAS. C'est un film d'Henri Verneuil. Qui est un film qui est sorti. Attention, tenez-vous bien. Eh ouais, en octobre 71, en France. Ah, en France. En France. Okay. France, madame. Donc effectivement, c'est un... C'est un... La France. For sure. N'importe For sure. C'est donc un film d'Henri Verneuil qui est tiré du roman The Burglar de David Goodis. The Burglar. Bon, The Burglar. Ouais, c'est The ça, Burglar. Le burger comme chez McDonald's. Oui. Ah, ouais, The Burglar, voilà. Ah, donc, oh, vous êtes tellement chouette, laissez-le parler. Vas-y, Flo. Donc, avant, j'étais premier, et puis, bah, voilà, on dirait, tes films, voilà, maintenant, je suis deuxième, et puis, c'est... ah ouais, la prononciation anglaise. Alors, la promotion sociale, ça fait quoi? Et ben, j'ai pris un ascenseur, c'est allé si vite, voilà, je suis content. Au casting, qui est-ce qu'on a? On a Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein, Nicole Calfan et Omar Sharif, qui aura d'ailleurs déclaré ce film-là, c'est mon dada. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, j'espère que vous aurez la ref. Ouais, Bilto, c'est mon dada. Voilà. Il disait tout le temps Omar, il disait Sharif. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Un budget quand même assez confortable, je trouve, puisqu'on est sur un budget de 15 millions de francs. Un box-office qui n'est pas... Oui, un box-office qui n'est pas déconnant non plus, puisque rien qu'en France, puisque j'ai vu qu'il y avait eu aussi une carrière à l'international, 4,5 millions d'entrées. Donc on est vraiment, vraiment très, très bien. Et pour 15 millions de francs, en plus de ce casting... Qu'on peut dire plutôt pas déconnant. On a aussi Rémi Juliano Cascade. Et on a aussi Ennio Morricone à la musique. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Bah, on va voir. Mais ouais, le film raconte. Ça raconte l'histoire d'un petit groupe de 4 braqueurs qui vont sur une île en Grèce. Enfin, qui vont en Grèce tout simplement. Et qui vont voler des diamants. Mais qui vont se faire des émeraudes. C'est soyons important. Précis. Soyons précis. Qui vont voler des émeraudes, qui vont les cacher puisqu'ils vont se rendre compte qu'ils sont suivis. Et ils vont aussi avoir la police aux trousses. Donc, comment tout cela va-t-il se finir? Eh ben, regardez le film et puis vous verrez bien. Vous le saurez. Ben voilà, oui, vous le saurez. Avant de passer... Spoiler, ils vont se faire gauler. Ah, il l'a dit. Avant, j'ai aussi relevé qu'il y avait quelques petites erreurs dans ce film. Alors, je les ai pas toutes prises. Je suis tombé sur un site. Il y avait 2 pages d'erreurs dans le film. Ouais, tu m'étonnes. Dont des trucs. dont des trucs où c'était. Bah là, on voit quand même qu'il y a les projecteurs. Ok, d'accord, ouais, très bien. une des premières erreurs du film, effectivement, c'est que Belmondo demande au personnage, à Hélène, donc jouée par Nicole Calfan, si elle a trouvé un bon hôtel, sauf que la veille, il lui demande spécifiquement d'aller au Hilton. Donc bah, elle dit, bah, je suis au Hilton, du coup... C'est pas méchant, mais voilà. Après, on peut parler aussi de la très très forte résistance de Robert Hossein au bal, puisqu'il y a une scène où le policier Lipou Zakaria, qui est joué par Omar Sharif, blesse Robert Hossein d'une balle dans le bras au cours d'un interrogatoire. Et c'est que un bon quart d'heure plus tard, quand Robert Hossein rejoint Jean-Paul Belmondo dans le bar, que le gars commence à pisser du sang. Mais littéralement, c'est un litre. Il saignait déjà avant. Hein. Oh, il saignait un peu avant. On le voit. Ouais, mais on voit pas trop. Non, là, c'est vraiment, c'est appuie sur le bouton. Vas-y, ça coule. Oui, et puis c'est surtout, c'est pas ça. C'est que tu te dis, normalement, je crois qu'en plus, Belmondo lui fait la réflexion. Mais pourquoi le mec, il a pas mis juste un bandage avant de se barrer quand même? Mais oui, tu te barres pas avec mais parce qu'on est dans un magasin de jouets. Et je crois que, ouais, même Belmondo, il lui dit avant, il dit, mais tu n'es pas occupé. Non, c'est bon, je verrai ça après, ça va. Ouais, non, ça va. Tu vois le sang qui dégouline. Là, tu vas mourir, je pense. Tout va bien. et puis j'en ai noté une dernière où Omar Sharif attend justement les deux truands et il remplit des verres de whisky, il en remplit 2 verres et il pose la bouteille et quand la caméra passe derrière lui, on voit qu'il y a 3 verres de rempli et il en boit 3. Donc voilà, il y a c'est quelques petites erreurs qui sont dans un film où visiblement il y a plein d'erreurs aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Allez, très bien, merci. On passe au troisième film. Storm, vas-y, Storm. Moi, ça va, j'étais content. C'est du Belmondo, donc je suis assez gentil avec Belmondo. J'aime bien, en général, ce qu'il fait. Je crois que... Bah, on a discuté tout à l'heure avec la femme, justement. Il n'y a pas énormément de mauvais Belmondo, en vrai. Et celui-là, bah, il est dans... Après, voilà, t'es sur du Verneuil, t'es dans du Belmondo qui va bien. Donc. Là, la période, c'était vraiment la grosse période de Belmondo. Et Robert Hossein, lui, il essayait de revenir sur le devant de la scène, puisque lui, c'était plus les années 60. Ah ouais, Geoffrey dans Angélique, quoi. Donc. Il a sorti 2 gros films coup sur coup, Belmondo. Le deuxième, j'ai plus le nom là. Mais en 71. Oui, bah sur l'année, sur le tout 70 quasiment. Oui, moi, je sais. J'attends avec impatience. Ça doit être 74 pour Peur sur la ville, qui doit être mon Belmondo préféré. Après, c'est cool. Ce qui est bien, c'est que ça traîne jamais trop. Enfin, je veux dire, c'est rythmé. Tu te fais jamais chier. Les scènes de cascade, voilà, Rémi Julienne, quoi. Qu'est-ce que c'est bien, quoi. Ça a ni queue ni tête, les courses poursuites, ni queue ni tête. Mais qu'est-ce que c'est bien, putain. Ça te fait voir toute la ville, mais voilà. Ouais, c'est ça. Ça casse des bagnoles de partout, tout le monde en a rien à foutre. Enfin, mais c'est super, tu vois, les mecs. Moi, je veux bien visiter Athènes comme ça. Et puis tout, cette espèce d'absurdité, pareil, là, les mecs qui se font une course poursuite de gogol, ils exposent ça, la bagnole est explosée à la fin, puis l'autre sort, c'est le flic, salut, ça va, ouais, et tout. Bon, ben, on se reverra, hein. Ouais, et puis le mec, il y a des limitations de masse quand même, hein. Vous rouliez à combien? Non, pas à 40, non, 50, 60. Non, 70, me dit. Non, ça va. Belmondo, ça marche toujours. Le début, moi, j'adore. J'aime beaucoup le début du film, moi, dans la maison, là, quand il force le coffre. J'étais assez surpris, effectivement. Une vingtaine de minutes, sans parole, sans rien du tout. Sans rien, c'est une scène qui nécessite du silence, puisque ils sont en plein braquage. Et puis, le bruit, les premiers vraiment gros bruits arrivent vraiment quand il y a Omar Sharif qui débarque. Et du coup, tu fais, ah oui, d'accord. J'ai trouvé ça plutôt bien exécuté. Ouais, franchement, la scène est cool. Ah, le matos pour ouvrir le coffre m'a fait délirer, moi. J'ai dit la vache, le truc. Ah bah là, l'espèce de et ça passe, et ça passe crème dans un avion. Ah oui, oui. Ah oui, tu dis comment tu passes un détecteur avec ça, quoi. T'as le truc, ça fait limite, elle fait le café et puis les frites à côté, quoi. La machine, c'est ouais, un truc de dingue. Parce qu'elle te crée une clé sur mesure avec la combinaison ouais, sur de ce coffre-là, selon ça... le. Oh, what? C'est un truc de. Ouais. Avec quoi, un truc de fou. Mais... Ouais, un truc de fou. Ta gueule, c'est magique. Voilà, putain, suspension d'incrédulité, bordel. Bah, c'est genre Mission donc, Impossible, mais 20 ans avant, tu vois. C'est un petit peu des gadgets bah, à la Mission Impossible. Bah non, t'es dans les années 70, donc, t'es c'est... Dans les années 70, donc c'est... C'est ça, t'y es. Moi, ce qui m'a fait plaisir, puis en même temps un peu rigoler, dans toute la volée de films qu'on a regardé, c'est justement le... replonger dans les 70 et dans tous les décors des années 70, quoi, les apparts, les maisons et tout. Ah, c'était quelque ah ouais. chose, quand même. Le la petit bouton violette, avec le truc. En velours, beaucoup ouais, de velours partout. Les fauteuils translucides en coquille, là. Ah oui, ça. Ouais, les lampes, les espèces d'abat-jour de lampes blancs, là, avec plein de boue partout. Oh la vache, c'était quelque chose, quand même. Les mais on notait déjà qu'il y avait un certain goût pour la domotique, puisqu'il faut... Il faut taper pour que ça s'allume ou pour que ça s'éteigne. Surtout quand on met des grandes gifles dans la gueule de la dame oui, après. C'est ce que j'ai dit. Je me dis, mais comment tu pourrais refaire un truc comme ça maintenant? Oh, wow. Ah ouais. Bing, oh, la ouais. scène ah, oui, de tarter la gueule. Tarter la gonzesse comme ça. Là. C'était quand même extrêmement choquant. Extrêmement choquant ah, oui, parce non, que mais je sais que personne oui. n'était choqué à l'époque. Et que tout le monde se c'était, disait... C'était choquant pour toi. Ouais. Après, elle avait menti. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. C'est quand même un peu mérité. Ouais. Non, non, mais franchement, c'est vrai ça se fait pas, hein, ce qu'elle a Jess, fait. Jess, elle est en train de se dire, ils sont premier degré, là, ou quoi, là Ou pas, ils rigolent ou pas, là Non, mais... Non, non, mais tu te dis, tu pourrais plus faire ça, c'est impossible. Ah, ouais, bah, oui, mais ça rend pas du tout ton protagoniste likable. Enfin, tu vois, moi, c'est ça même m'a pas, détruit c'est, son c'est perso. Même... Après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce puis que c'est même... que cette misogynie ambiante What the fuck, mais c'est même. Puis c'est même pire que ça, c'est... Attention, je mets des gros guillemets et des grosses parenthèses, on n'aime pas tomber dessus. Oula, attention, propos problématique en approche. Peut-être, je sais pas. Non. Mais je veux dire, dans la situation, il y aurait mis une gifle. Non. Tu vois, je dis, j'ai pas le temps de finir ma phrase. Laisse-moi finir. Je cautionne pas, attention, c'est pas je ce sais, que je dis. Te fais chier. Mais vas-y. Dans la conception de la scène ou du film, on va dire, il se fait griller, il comprend quel machin, il s'énerve, il lui met une gifle. C'est pas tolérable, on est bien d'accord. Mais ça s'arrête là et tu reprends le film, tu peux essayer de comprendre la construction. Putain, mais là, il y en met au moins 8, quoi. Et puis là, c'est limite sous couvert. C'est ouais, limite sous couvert d'humour parce que t'as le truc, ça s'allume, ça s'éteint. Tu c'est fais... ça, tu sais même pas. En fait, tu sais plus c'est comment quoi prendre le message. Le truc. Tu dis, t'as voulu ouais, c'est faire quoi, de c'est l'humour quoi. C'est mais non. En plus, donc... Est-ce qu'il la gifle pas après qu'elle lui ait dit? Parce que lui, il sait qu'elle, c'est la femme du flic. Et c'est... du coup, ouais. enfin, en elle tout lui cas, dit elle, du coup, c'est ça... qui est mieux au lit. Et elle lui dit, ben, je sais pas encore parce qu'elle a pas encore été avec lui, c'est ça. Ouais. Et là, après, mm-hmm. elle se prend les gifles. Et du coup, est-ce qu'il a pas aimé le fait qu'elle, potentiellement, qu'elle allait coucher avec lui aussi? Ah ou... oui, je vois que tu... Et qu'il le prenait mal pour son ego perso, ou c'est le fait qu'elle avait menti, mais du coup... du coup, oui, t'as dans, dans les deux cas, ça fait du personnage. Pas ouf. Choc, tu vois. C'est un peu con. Moi, c'est vrai que je... C'est vrai qu'en plus, elle détonne vrai... sur tout le film, quoi. Ça ressemble pas au reste du film, cette scène-là, presque. Tu dis, non, mais ouais, de... okay. Non, mais puis même, de toute façon, il suffit de regarder, entre Omar Sharif et Jean-Paul Belmondo, c'est à celui qui aura la plus grosse. Ah, il oui, suffit oui, de voir film, aussi ça, ouais. à la fin... Ah, le quand, concours de beats quand, ah, ouais, non, mais quand ils sont dans le parc d'attractions, tu vois un cheval, Omar Sharif, il monte ah, dessus, oui. comme ça, et tu fais, mais ça sert à quoi? Pourquoi? Tu sais quoi? Il monte sur un cheval... Je vais compter jusqu'à 10, attention, je puis suis capable. Flic, quoi. Tu dis personne ne fait le tour pour essayer de bloquer les sorties, normalement ils auraient dû dire au camion, tu bouges pas, tu t'arrêtes. Mais quoi. Puis enfin, c'est surtout pourquoi tu montes sur un cheval, il y a des voitures, vous avez des voitures en fait. Ouais, mais c'est classe, c'est les années 70, on s'en fout. Ouais, voilà. Donc, ouais, il y a plein de trucs. Tu fais, bon, mais après, non, j'ai pas passé un mauvais moment. J'étais content, honnêtement, j'étais content. C'est pas un film que je reverrai, je pense, plus que ça. Parce que c'est... Mais bon, ça reste du Belmondo, il y a des trucs sympas, il y a des bonnes cascades. Tu dis quand même, c'était Tom Cruise avant l'heure, hein, Belmondo. Ouais, c'est clair. Donc voilà, non, c'était correct. Moi, j'étais content. Jess, vas-y. Vas-y, Jess. Moi, c'était une découverte. D'ailleurs, tous, à part le mien, étaient une découverte. Ce qui m'a positivement impressionné, c'était, vous l'avez mentionné, c'était les scènes d'action complètement, complètement dingues. Ouais. En fait, il y a une scène de poursuite débridée, en voiture ouais. Qui est extrêmement longue. Alors moi, c'est un de mes reproches du film que je trouve trop long. On dirait une chanson de l'apprenti sorcière. Pour vous donner une idée de l'unité de temps qu'on utilise. Ouais. J'ai trouvé que le film, d'une manière générale, était trop long. Par contre, j'ai trouvé que les scènes de stunt, ouais, il y en a plusieurs, tu vois, tout du long du film, qu'elles sont super chouettes. Elles sont vraiment... Le fait qu'elles soient trop longues, moi, me faisait marrer. C'est ce que j'ai préféré dans le film, c'était la scène d'action et notamment cette poursuite complètement dingue en voiture qui... Mais c'est quoi? C'est plus de 10 minutes, non? Si. Ouais, je crois. Enfin, c'est ouais, très long, ouais. Super au moins, longtemps, ouais. Au moins, ouais, 5 à 10 minutes, ouais, c'est... Ah ouais, mais tu te fais trop long. Mais tu te fais pas chier. Et tu te fais pas chier et ça se termine sur, non, ouais, sur une espèce... On te représente le personnage de Omar Sharif que tu avais déjà vu au début du film quand il faisait la ronde près de cette baraque. De la et maison. Et qu'il était parti, et puis là, il est à la poursuite de Belmondo dans une poursuite complètement folle que je trouvais vraiment bien filmée, qui était bien foutue, parce qu'ils ont, quoi ? Ils ont vraiment... On est en 71, donc on n'est pas vraiment à une époque où tu vas incruster des tas de trucs numériquement par la suite, tu vois, tu filmes ça en... Ah non, là, c'est de la cascade. C'est Rémi Julien, hein. C'est Rémi Julien, ouais, c'est super fou, et tu te dirais presque, oh, Fast and Furious devrait prendre des notes, parce que tu vois des trucs dans ce film qui feraient pas l'heure, non, c'est pas comme ça qu'on dit en français. Pas lire. Fast and Furious. Ouais, du coup, j'ai beaucoup aimé les cascades. J'ai trouvé, par contre, les petits moments misogynes qui sous-poudrent le film tout du long, parce que j'ai pas non plus forcément compris ou adhéré à la relation qu'il aurait avec cette gamine qui était la fille de son mentor à lui, mais il est beaucoup plus âgé qu'elle. Enfin, de façon, ouais. Mais même dans tous les cas, tu vois les personnages, au début, ils sont... Une vingtaine d'années. Au début, ils sont quatre. Et puis, au final, après, c'est... Non, bah, viens, on va juste faire duel... Belmondo, Sharif, et puis les autres, on s'en fout un peu, en fait. Ouais, c'est la fille deux... va dans un hôtel, et puis les autres, allez vous cacher, et puis c'est tout. Bah, Robert Hossein, à un moment, tu as l'impression, ils font un peu l'impression qu'il joue sur un double jeu, qui en fait, apparemment, non. Double agent, mais non. Et ça, en fait, c'est lui que Omar Sharif veut tout mettre sur le dos de Robert Hossein, de Ralph, parce que le Omar Sharif, qui est un flic, lui, voudrait bien choper les émeraudes pour lui, si je comprends bien. Bah, oui, c'est gardé pour lui. Mais lui, en fait, il y voit son intérêt, il voit que dans tous les cas, il va être gagnant. Soit il les arrête et il a gagné, soit il les arrête pas, il les laisse filer, mais il a les émeraudes, donc il sera gagnant. Petite confirmation, est-ce que Omar Sharif, il frappait pas sur sa femme? C'était pas lui. Peut-être sur le cul d'un cheval, mais pas ça. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vais pas te dire, je sais pas. Peut-être pas lui. Peut-être, mais je sais pas. Mais du coup, rien à voir. Parce que lui, par contre, son perso dans le film, quand la course-poursuite dans Athènes se termine et qu'il sort de sa voiture et que t'as un plan serré sur ses hanches qui sort et qu'il joue avec ce petit chapelet qu'il a dans la poche et qu'il sort de sa poche et que tu remontes sur sa tête, il a pas des lunettes, des gants en cuir et des lunettes de soleil, il a l'air trop badass. Ouais. Ce plan est génial. Mais mon avis global sur le film, c'est que je trouvais que le scénar était un petit peu tiré par les cheveux. Il y a des trucs qui n'avaient pas beaucoup de sens. Que déjà, je comprenais pas pourquoi si tu as fait un braquage en Grèce et que après le braquage, personne ne te recherche toi personnellement. Enfin, lui peut-être, mais les autres, leur passeport n'était pas affiché par qui que ce soit. Ils auraient tous pu repartir en France et tout était bien, qui finit bien parce qu'ils laissent. Enfin, tu vois, je comprenais pas trop pourquoi il devait rester absolument... pourquoi il voulait absolument reprendre ce bateau pour repartir vers la France et donc attendre une semaine... Absolument celui-là. Que le bateau soit réparé ou je sais plus quelle connerie. Je trouve ça mais un petit pourquoi peu celui-là? Parce que c'est le scénario. Ouais, parce que il le dit à un moment et le capitaine du bateau leur permet de voyager sur le bateau sans être déclaré. Ouais, mais il pourrait... Personne ne sait qui a commis le vol des émeraudes. Ça change quoi qu'ils donnent leur passeport à l'immigration? Bah, parce que ça fait suspect parce qu'ils viennent d'arriver tous les quatre sur l'île et en fait ils repartiraient le lendemain. Alors qu'il y a eu un vol. Donc forcément, ils vont facilement remonter à eux. Oui, puis lui, il y a l'histoire des photos qu'il a pris, tout ça, puis qu'il distribue aux frontières en disant, en gros, en le faisant passer pour un suspect numéro un. Donc, mais il n'y a que Belmondo, il n'y a pas les autres. Ah, ouais, c'est vrai qu'il n'y a que Belmondo. Ouais, c'est vrai, il n'y a que Belmondo. Je ne sais pas non plus pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de. une grange à maïs sur un bateau. Ah, ouais, j'ai pas compris non plus les stories. Le silo à grains. Le silo à grains, oui, voilà. C'est pas ça. Que j'ai pas compris les silos, c'est ça, que j'ai pas compris. Mais c'est surtout qu'il tombe à cet endroit-là, tu vois. Je pensais qu'il y aurait des cuves ou un truc comme ça, mais là, il tombe dans un endroit où t'es censé rentrer par une porte où il y a une table, où il y a machin. J'ai ok. Rien compris. Ça, oui, mais, oui, non, ouais. Mais c'est bon, après, c'est pour le climax du mais film. Ouais, mais la gueule, c'est magique. Que tu ressentes vraiment au plus profond de ton âme ce dilemme. Est-ce que je laisse tomber les émeraudes ou non? En gros, j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'était trop long, mais l'action fait que ça aide, en fait, dans la lecture du film, c'est assez rythmé. Moi, ça me fait trop marrer de revoir les costumes des années... Tu sais, les costumes qui sont contemporains, parce qu'on n'est pas dans un film avec une dimension fantastique où on serait dans une société dystopique, non, c'est des fringues de l'époque. Ça me fait toujours marrer de me dire, waouh, ok... Quelle belle époque, parce que tu vivais dans une insouciance où l'économie allait bien. Les petites vestes en cuir marron, les cols pelle à tarte. Ouais, le cuir mouton de Bébel. Ouais. Il n'y a pas que des trucs. C'était mieux avant. Hein. Moi, je trouve qu'il y a une certaine liberté d'expression au niveau de toute la façon dont les gens s'habillaient, se coiffaient. Non, c'est pas forcément une histoire d'être moche. Ouais. C'est pas forcément histoire d'être moche, c'était vraiment un style, ouais, comme tu dis, c'était une vue qui était très... Maintenant, ça fait bizarre, parce qu'on parlait de ça avant l'épisode, mais je trouve qu'il y avait moins un sentiment d'individualisme hyper présent au sein de la société, qu'il y avait plus un sentiment de camaraderie, parce que tes hobbies nécessitaient souvent que tu sortes de chez toi et que tu vois des gens. Tu pouvais pas passer des heures à regarder les murs chez toi. Et puis tu sors, on y revient toujours au même. Tout ça après, hein, donc tu sors des mouvements, tu sors des gens qui sont un peu décidés à se regrouper, à faire quelque chose. Donc ouais, mais ça me rend toujours nostalgique du coup de regarder des films. Non, mais le fait d'être individualiste, là, c'est parce que effectivement, les réseaux sociaux font que tu te renfermes et t'as l'impression de pas être individualiste puisque tu parles avec des gens. Mais au final, c'est juste toi et puis c'est tout, quoi. Donc que là, effectivement, il n'y avait pas tout ce truc-là. Donc peut-être qu'effectivement, il y avait peut-être plus ce sentiment de... Oui, soyons un groupe, on est unis, cool. Ouais, ou je sais pas, juste l'approche des gens, tu vois, pour tout, pour leur quotidien, c'était toujours plus, tu vas aller chercher l'entraide ou proposer de l'aide. S'entraider plus au quotidien, je sais pas. Ou alors c'est une perception, c'est peut-être parce que je regardais avec ce qui se passe en ce moment et regarder des films qui se passaient en 1970 et de te dire waouh, la société est passée de ça à ceci. Oh non. Après dans les non mais dans les films tu fais aussi un peu dire ce que tu veux à la société. Là clair. Toi t'es contemporaine à la société où on vit là. Après ceux qui, d'ici 30-40 ans, regarderont des films de 2025, se diront peut-être « Ah ouah, c'était beaucoup plus en groupe et tout ça, là maintenant on est hyper individualiste. » Non, spoiler après, alert, c'était de la après, merde aussi. Ouais, après souvent c'est des histoires de ressenti, puis après, bon, 70, j'ai pas connu, je suis né en 80. Alors mais... que Tom... Ah bah Tom, il a connu, il avait déjà 48 ans. Mais j'avais 40 ans, moi, dans les années 70. Ah oui. Non, mais souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on idéalise des trucs, mais même moi, si je prends sur les années 80 ou 90 où j'ai grandi, il y avait des trucs certainement mieux, ça c'est sûr, mais il y avait des trucs qui n'étaient pas mieux et qui étaient que maintenant. Comme on le disait, frapper les meufs dans les films, ça passait totalement en ce sens. Non, mais par exemple, tu sais, la violence policière, on va dire, maintenant on en fait état, mais dans les années 70, quand il fallait casser la gueule, les flics ils cassaient la gueule, hein, ils n'étaient pas plus fun et ils n'allaient pas plus boire des bières avec toi que maintenant. Hein, attends, on parle de French Connection après, attends. C'est pas faux, ouais. Pour le coup, c'est pas faux. Non, mais voilà. Après, oui, je pense que des fois, on idéalise beaucoup de choses du passé, soit qu'on n'a pas connu et qu'on voit au travers de films, soit des fois qu'on a connu même trop jeune. Moi, je vois, j'ai des trucs que je me souviens des années 80, mais je me dis, tu vois, 87, 88, j'avais 8 ans. Bon, ben, 8 ans, tu te fais pas vraiment des avis de trucs. Toi, t'avais l'impression que c'était mieux parce qu'on te filait 10 francs pour aller chercher le pain, puis tu gardais la monnaie pour acheter tes bonbons, des trucs comme ça. Beaucoup de choses, en fait, ont évolué. Pas forcément en mieux, pas forcément en pire. Il y a des trucs qui ont évolué pour, comme tu dis, Jess, pour du mieux, effectivement, quand tu prends la violence... la violence contre les femmes... Burger. Un sandwich, quoi, putain, faites pas chier. Konnichiwa, juste avant de dire ça. C'est parti, Konnichiwa. Konnichiwa. Le burglar. Putain, j'étais sur un truc sérieux, mais j'ai des burgers, des Konnichiwa, ça veut plus rien dire, quoi. Non, non, mais effectivement, il y a des trucs qui ont évolué pour le mieux et encore heureux sur, la condition féminine, sur la violence, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont quand même pas beaucoup bougé. On a l'impression que c'était mieux avant sur certains trucs, mais en vrai, sur beaucoup de choses, c'était pas forcément mieux. Non, mais je crois que ouais, je le prenais pas aussi sérieusement. C'est juste que pour cet épisode-ci, j'ai dû me replonger dans plusieurs films. Si j'enlève Bed Knobs and Broomsticks parce que on parle d'une sorcière, je me dis pas, c'est pas forcément l'époque contemporaine, mais sur les trois films, A Bay of Blood, The French Connection and The Burglars, ça me faisait plaisir de passer du temps avec la génération avant moi, en fait, tu vois, de me dire ah ouais, il y avait quand même une simplicité qu'on a perdue. Tu vois, juste grandir dans une époque pareille, c'est pas la même chose que grandir à notre époque. Et ça me faisait plaisir de passer du temps via les trois films avec cette époque-là, quoi. C'était fun. Ce qui est bien, c'est que tu revois ces époques. Et puis, même niveau cinéma, quand tu reprends le cinéma des années 70, sur les quatre films, par exemple, qu'on a, c'est vraiment un truc qui est très typique de cette époque, c'est logique, mais tu pourrais plus refaire ou même maintenant, tous ces films-là des années 70, tu les mets à des plus jeunes, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de rentrer dedans. Tu vois vraiment tous les codes qui ont évolué au niveau cinématographique, au niveau de plein de choses. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec beaucoup de gens quand ils vont voir des films comme on parle aujourd'hui. Je veux dire, La Baie Sanglante, il y a beaucoup de gens, tu vas leur mettre ça maintenant, ils vont dire, oh, putain la vache, c'est... Non, mais ce qui est compréhensible, les codes ont évolué et tout. Après, il faut juste se remettre dans le contexte de l'époque et puis et ressortir ce qu'il y a de bon dessus. Mais là, je veux dire, du Bebel de 70, moi, j'ai dit, ouais, je suis très client. Tous ces films-là, je suis assez client et sans trop de problèmes, quoi. Ah ouais, Tom, on t'a pas demandé ton avis sur Oui, c'est vrai. Henri Verneuil, années 70, Morricone, Belmondo, il y a tous les ingrédients d'un cocktail sympa. Et pourtant, voilà, j'ai pas autant kiffé le film que ce que j'aurais pensé. Bah déjà, le film s'appelle Le Casse, et Casse en question ne dure que un quart d'heure, 20 minutes au début du film. Je m'attendais vraiment à ce que, en fait, ce soit une équipe qui monte un truc et que, comme un peu comme Mélodie en sous-sol, que ce soit le pinacle du film. Non, en fait, Le Casse, il est évacué dès le début. Voilà, ils l'ont réussi, ils ont chopé les diamants, et puis terminé. Et après, ça rentre en fait dans un jeu du chat et de la souris entre les voleurs, principalement Bebel, hein, parce qu'on l'a dit, mais les autres, ils sont aux abonnés absents pendant quasiment tout le film, en fait. Et un Omar Sharif qui est doué de clairvoyance. Parce que partout où il débarque, il a la solution. Et c'est incroyable. Alors, on te sort un moment... Déjà, la première scène, le mec, il fait 500 mètres, et il se dit, tiens, il y a une voiture, c'est pas normal. C'est bon. Tiens, il y a une voiture arrêtée, je vais aller voir. Bon, ok, je souhaite. Mais après, alors ensuite, il te donne la solution avec la nana qui drague Bebel et tout. Mais ça ne résout qu'une partie des problèmes, c'est-à-dire la localisation de Belmondo à un moment précis, à un endroit précis. Les mecs, ils retrouvent les mecs là, dans leur planque de fabrique de jouets, on ne sait pas comment. Oui, c'est vrai. Ta gueule, c'est magique. Oui, voilà, c'est ça. Quand Bebel, il va se cacher là dans l'espèce de parc d'attractions, il se retrouve dans le camion, le camion se barre dans une carrière ou une décharge. Mm-hmm. Pourquoi ? Ah oui, et il a complètement le temps de sauter hors du truc. Les mecs le retrouvent alors qu'il s'est barré sans être vu, quoi. Non, enfin, voilà. Après, là, cette scène-là du camion, moi, j'ai juste l'impression que c'est Bebel, il a dit, moi, je suis cascadeur, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Ouais, mais je suis cascadeur. Ça n'a aucun sens, fait quand même. Parce que ce camion se soulève si lentement, tu aurais totalement le temps de sauter. Le temps de descendre, oui, bien sûr. Oui, de descendre du camion. Bebel, il a dit, moi, je veux rouler en bas, et vous montrer bien que c'est bon qu'il l'avait fait. C'est long et c'est long. Après, je trouvais la scène de la chute et de la cascade plutôt impressionnante, parce que ça a dû être pas facile de gérer ta descente et ta vélocité. Avec des cailloux qui tombent à côté de toi, ça en coûte à t'arracher des ongles. Ouais, je pensais du polystyrène. En polystyrène. Ouais, mais ça te fait des bleus. Et puis t'es quand même sur. Tu fais ça dehors, tu vois. Donc t'as des cailloux. Oui, mais c'est Bebel. Donc, non, je sauve la. Comment la course-poursuite. Ouais, elle est bien. De Rémi Gillette, voilà, on l'a dit. Vraiment, ouais, ça sauve le film. Alors, ensuite, c'est marrant parce que Bullitt a été tourné quelques années auparavant. C'était un hommage. pas sûr que ce soit dommage, mais plutôt de se dire, attends, moi je vais faire la mienne et je vais faire mieux. Ouais. Si, non mais si, c'est si, de ce que j'ai pu lire. Ah, de ce que t'as lu, c'est un hommage. Ah ouais. C'était un hommage, ouais. Enfin, un hommage ou une parodie, je ne sais pas trop. Ouais. Et puis on en apprend aussi quand même beaucoup sur la gastronomie grecque. Hein. Je veux dire ah, que c'est là, ce que j'allais dire. Jess, ouais. Un point gastronomie. Gastronomie grecque, mais moi j'aime beaucoup la. Qui est quand même un peu mieux que l'anglaise. Tout avait l'air dégueulasse quand même dans l'assiette. Hein. Oui, c'est vrai. Alors que normalement, oui. quand c'est bien fait, la moussaka, tout ça, c'est super bon. La moussaka, ouais. Mais là, tout avait l'air dégueulasse quand même. Tout ce qui te sort a l'air. Beaucoup d'aubergines quand même. Hein. Peut-être beaucoup trop de citron. Et il y a beaucoup trop d'huile aussi peut-être. Ouais. Oh, j'ai regardé, j'ai chopé un diabète. Tu mangeais le pain à l'huile d'olive, tu fais non, sérieux, ouais, la vache, putain, mais c'est juste du pain avec de l'huile d'olive, ouais, quoi, mais c'est la et violence, tu mets un peu de sel et un peu de poivre dessus, et du balsamique, oui. oh là là, la violence du diabète. Tous ces ingrédients qui sont ultra prometteurs, en fait, et puis qui te sortent un truc un petit peu insipide, voilà, j'ai trouvé ça dommage par rapport aux matériaux de base qu'il avait. Et puis quand tu vois certains films, enfin dans Riverdale, quand même, tu te dis, enfin quand tu vois sa filmo et tu te dis, ah, c'est quand même vachement un ton très très très en dessous de ce qu'il avait fait auparavant. Quoi. C'est dommage. Ensuite, quand même un certain plaisir à découvrir le film parce que je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu. Mm-hmm. Mais c'est vrai que. Je suis resté, pas comme eux au restaurant, moi je suis resté sur ma chaise. Ah. Oui, c'est pas son meilleur de Bebel. Elle est belle. C'est belle. Je trouvais que c'était, vu que je connais pas trop la carrière de Belmodo en tant qu'action man, moi je trouvais que c'était plutôt une fun porte d'entrée dans ce cinéma, parce que j'ai trouvé que c'était les cascades valaient la peine plus que le film, l'histoire. Et que c'était trop long, mais je me dis, je pense regarde, que d'autres films de Belmondo pourraient me plaire, en fait. Ouais, regarde Le Professionnel, regarde... Ouais. T'as la Shkumun, qui est bien, ouais, t'as Borsalino, L'As des As... L'As des As, ouais. Ouais, non, t'as... Il y a matière. Ouais. Flic ou voyou. Ah ouais, Flic ou voyou. Ouais. Puis Peur sur la ville, moi je te conseille, qui est de Verneuil aussi, qui est vraiment un très bon film. Mais qui est beaucoup plus sérieux, pour le coup. Qui est la même chose que Death Wish. Oui, mais en mieux. Ouais, on peut dire c'est... Non, c'est Belmondo qui enquête sur un tueur en série, ouais. Ah, ok. Donc, ouais, ça, c'est direct ma cam. Mais il met des grosses gifles à des meufs, par contre. Ça, je pense que juste... Mais elles sont mortes, des années ça va. 70, quoi, tu vois. Parce que, par exemple, en France, les femmes, elles ont dû attendre les années 70 pour être reconnues comme des entités séparées de leur mari, au niveau de pouvoir avoir un compte en banque, pouvoir travailler indépendamment, ne pas être sur le même passeport. C'est venu super loin, super tard chez vous. Ouais, c'était après la guerre. Enfin, 20 ans après, quand même. Guerre. Oui, bah, le temps. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est venu ça fallait en même le temps voter, que le, en même soit... temps que le droit de vote, il me semble. Mais non, c'était un peu après, je crois. Ah ouais, il me semble que c'était un peu après. Non, ouais, je crois que j'avais, après, ouais, j'avais vu des trucs sur certains trucs qui sont passés vraiment tard, ouais. Je crois que le compte en banque, ouais, c'est un truc qui il me semble passé assez tard. Ouais. Quoi il me semble, Attends, les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque? C'est une méthode constitutive à mort. Que ton mari aussi gère tes finances et que tu n'aies pas le droit de faire appel. 1965. Parce que ça, c'est un truc de bonhomme. Ouais, tu vois, 1965, ouais. Ouais. Non, c'est vrai que c'est relativement triste. Mais du coup, c'est logique que les productions de l'époque reflètent la culture et les idéologies de l'époque. Donc, ça me choque avec le regard actuel, mais je comprends bien qu'à l'époque, pour eux, bon, ben, c'est la vie normale. Oui, on frappe les femmes. Ouais. Elle l'a bien mérité. Je paraphrase. Oh, il en frappe qu'une. Hein, elle l'a pas volée, celle-là. Alors que moi, je la trouvais justement. J'en aurais même mis une petite en plus. De lui répondre du tac au tac, bon, je sais pas, il faudrait que je compare parce qu'elle avait pas, évidemment. Ils avaient pas encore couché ensemble, soit. Et elle non plus. Mais pourquoi t'es sur là-dessus? Moi, je suis pas d'accord que c'est cet argument de coucher ensemble. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je pense qu'il est juste vénère parce qu'elle l'a trahi. Oui, mais elle lui avait fait une petite blague, elle lui avait retorqué, tu vois, parce qu'il lui il fait non, une remarque et pas... elle retorque un truc. Elle lui refait un tir sur mon doigt. Il la frappe, mais peu importe. Et merde, maintenant j'ai oublié ce que j'allais dire. Laisse tomber, c'est pas grave, vous pouvez passer au film d'après. Eh bien, le film suivant, c'est La Baie Sanglante. Storm, tu nous as proposé ce film. Thank you. Donc je vous ai proposé la baie sanglante de Mario Bava. Donc baie sanglante, alors pour la date de sortie, donc octobre 1971, hein, ça tombe bien. Hein. Faut vraiment qu'on arrête de faire ça. Ouais, mais dans quel pays? Espagne, oui, c'est ça. En Espagne, ok. Donc voilà, j'ai été chercher la sortie espagnole. Et je crois qu'il était sorti à peine avant, juillet ou août en Italie, un truc comme ça. Donc voilà. Que La Baie Sanglante, donc réalisé par Mario Bava. Donc Mario Bava, qui est un grand nom, voire un très grand nom du cinéma horrifique italien. Donc qui est considéré par beaucoup même comme le grand maître du cinéma horrifique italien, quoi, devant Argento. Et c'est pas aussi du giallo? Je sais pas si tu veux dire. Alors. C'est pas ça. C'est que ce qui est ouais. Alors Bava, en fait, c'est un. C'est un peu à Carpenter, je me comprends, dans le sens où c'est un mec qui a pas eu, des fois pas eu trop de chance sur des trucs. C'est que il est considéré comme le créateur du giallo, puisque c'est plus ou moins lui donc qui a inventé le giallo, donc en 63 avec la fille qui en savait trop. Mais bon, la paternité, elle y a un peu refusé. Tout le monde pense plus que c'est Argento, mais bon, Argento avec L'oiseau au plumage de cristal, mais qui est sorti beaucoup plus, vraiment après. Donc, alors les puristes diront toujours quand même que c'est Bava qui est à l'origine du giallo. Il est à l'origine de beaucoup de choses, parce que si tu la baie sanglante, pareil pour les puristes, c'est plus ou moins le premier slasher qui est sorti, même si avant t'avais déjà Psychose. Et merde, je sais plus c'était quoi l'autre. C'était pas Black Christmas. Ouais, t'avais déjà Le Voyeur. Black Christmas, non, c'est plus tard. Non. Ouais, c'est ouais. Plus tard. Non, c'est 74 Black Christmas, je crois. Ouais, ça doit être. Oui, Black Christmas, ça doit être ça. 74 de tête. Non, c'était merde. Oh, je l'ai noté. Ah oui, Le Voyeur, c'est bien ça. J'avais raison. Donc c'est plutôt qui sont plus ou moins les premiers proto-slasheurs, mais lui est vraiment arrivé avec des codes du slasher moderne, donc qui peut être vraiment considéré comme le créateur et du slasher. D'ailleurs, si tu prends quand tu prends La Baie Sanglante, tu prends Vendredi 13 de Cunningham, c'est clairement plus ou moins pas le même film, mais Cunningham l'a dit lui-même de toute façon que La Baie Sanglante l'a énormément inspiré sur Vendredi 13. Et une histoire qui se passe autour d'un plan d'eau dans les deux films. Il y a carrément des meurtres dans Vendredi 13 qui ont été repris de La Baie Sanglante, hein, le meurtre au javelot et le meurtre où t'as La Baie Sanglante, c'est le coup de hache dans le coup de serpette dans la tête. Et t'as plus ou moins le même meurtre qui est repris au plan quasi près, sauf que là c'est avec une hache dans Vendredi 13. Donc ouais, c'est vraiment un Bava, c'est vraiment quelqu'un qui a posé énormément de choses. C'est un gars qui a touché un peu à tout. Donc il a commencé comme spécialiste en manipulation d'images. Alors le début de sa carrière, il est pas forcément si joyeux que ça, parce que donc il était spécialisé dans l'éclairage et ce qu'ils appelaient manipulation d'images. Donc lui, il est plus ou moins crédité pour avoir transformé des films de propagande italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ça va me plaire, ça. où ils les faisaient passer pour des gars qui avaient gagné des batailles et des trucs comme ça, alors qu'ils n'avaient pas gagné, ou voire carrément même des batailles qui n'avaient même pas existé. Je dis, bon, comme début de carrière, il y a quand même un peu mieux. Alors bon, c'était pas de son fait à lui, il travaillait pour une institut qui lui demandait de faire ça. Après il rentre vraiment dans le monde après la guerre dans le monde du cinéma où là il va devenir chef opérateur, il va devenir directeur de photo, et c'est un truc qui maîtrise énormément la photo. C'est vraiment un truc Où il est très fort, qu'on va retrouver dans La Baie Sanglante sur Hélène Photographie. Moi, je trouve qu'il a une photographie qui est magnifique. C'est pour ça que c'est lui qui est le directeur photo aussi de La Baie Sanglante. C'est ça. Alors, pour La Baie Sanglante... Ça m'a surpris dans le générique, en fait. Ouais. C'est rare, alors, quand même. Il est... Ce qui est bien, c'est qu'il est directeur photo. Pour le coup, ça tombe bien, parce que lui, c'était son métier au départ, et puis il est très bon là-dedans. Et après, sur La Baie Sanglante, c'est surtout... Il y a zéro pognon. Hein. Tu sens que c'est. C'est pas un ego trip, quoi. Non. Ah non. Bah en fait, c'est un film qui est parti au départ de notre vous grand. Vous trouvez que ça pue le pas de thune, ce film? Ah oui. Non. Ah moi je trouve que. Ah ouais. Non. Je suis pas d'accord. Ah, si. C'est pas que ça pue le pas de thune. Parce que ce mec. Enfin, moi. C'est vrai que elle dit qu'elle est pas d'accord. J'ai rien à foutre que ce soit pas d'accord. Ça pue pas de thune, mais c'est bien fait. C'est ça, c'est qu'il y a pas, de moyens, mais c'est un mec qui est, c'est ces gens que j'adore, moi, qui tu vas leur donner deux bouts de ficelle et les mecs ils vont te faire des trucs, tu sais pas. C'est possible, Joe la débrouille, quoi. C'est exactement ça. Donc c'est que de la débrouille. Il savait s'entourer. Il avait de très bons amis. Et en fait, La Baie Sanglante est partie de notre ami Dino De Laurentiis, comme d'habitude. Donc notre ami de Conan le Barbare. Et oui. La ref est faite. C'est bon. On a coché. On y revient toujours. Et donc lui, comme c'était un très bon homme d'affaires, hein, bien sûr. Donc lui, il a senti le filon du giallo. Donc, t'avais Argento donc, qui sortait d'un succès du Chat à neuf queues, donc succès local en Italie pour le coup, et qui s'est dit ça pue le pognon, ça fait du pognon, donc je vais lancer un giallo pour me faire un peu de beurre. Donc, il a chopé Bava, il a dit ouais, ça te dirait de faire ça et tout. Bon, il a dit oui, pourquoi pas. Donc, il a commencé à bosser sur le scénar. Bon, il était pas tout seul sur le scénar, je sais plus qui il était, mais bon, ils ont bossé dessus. Et puis bah, au final, le Argento, bah, ça s'est cassé la gueule, le film n'a pas marché plus que ça. Donc quand Laurentiis a vu ça, bah, il a dit oh, « bon, moi je me casse, hein, je le produis plus, ton film à la con, je veux pas perdre du pognon en gros ». Et donc il s'est retrouvé un peu tout seul là-dedans, donc il a un peu maraflé tout ce qu'il pouvait. Et il s'en est sorti comme il pouvait, donc tout à la débrouille, donc tout ce qui est décor... c'était les décors de, enfin c'était la maison du scénariste, si j'ai pas de bêtises, je crois, d'un des scénaristes où il tournait dedans. Et après, ben où là tu vois le génie du bonhomme, c'est que il y a zéro pognon et le mec va se démerder avec tout ce qu'il peut. Par exemple, il y a pas de forêt autour de la baraque. Et là, tu te dis attends, comment ça, il y a pas de forêt. Donc, bien sûr que si, on l'a vu. Voilà, non, le mec, il y a quatre arbres, il y a cinq arbres épars qui se traînent, et ben tout en faisant du placement de caméra. Et de la débrouille, donc je crois que c'est une des actrices qui disait à un moment, il dit mais attends, comment on va faire, là il y a pas de forêt. Il dit écoute, toi débrouille-toi avec ton rôle, moi je vais m'occuper de la forêt. Et en fait c'est que de il la il a fait pousser des arbres et ils les ont tourné 25 ans après. Non, c'est du placement de caméra. Et les mecs ils disaient c'était obligé de tourner limite au centimètre près, parce qu'il fallait pas bouger d'un centimètre sinon tu voyais plus. Donc c'était des angles qui calculaient pour choper le maximum d'arbres possible dans l'angle. Et pour étoffer un peu, il avait été chez un fleuriste acheter des branches, et il demandait à ses opérateurs de se foutre sur les côtés de la caméra et de foutre les branches sur le côté en les faisant bouger un petit peu comme ça pour l'effet du vent. Ah, c'est exceptionnel, des gens comme ça. Moi, je trouve ça mais tellement beau, quoi. Donc ça pue le pas de thune. Et tu le vois pas. Au niveau effets spéciaux, bon, là, il s'est quand même entouré de gars qui rigolaient quand même moyen. Il a Carlo Rambaldi. Alors, Carlo Rambaldi, le nom comme ça, il est pas très connu. Le mec, quand tu vois sur quoi il a bossé, tu dis ok, donc le mec est sur E.T., le mec est sur Alien, le mec est sur King Kong, il est sur Conan le Destructeur, il est sur Peur Bleu, encore une fois. L'adaptation de Stephen King, pas Peur Bleu de Rennie Harling. Et en fait, bah, par exemple, c'est le gars qui a créé l'animatronique de la tête d'Alien. Donc c'est pas Joel Rigolo, le mec. Hein. Donc c'est lui qui bosse sur les effets spéciaux, et tu dis... ouais, chapeau, parce qu'avec pareil, pas d'argent, parce que le mec il vient, mais il touche quasiment pas le blé, et il te sort un truc qui est hyper bien foutu, qui est d'une violence extrême pour l'époque, parce que c'est sûr, oui. Quand tu le vois maintenant, t'as pas l'impression, mais pour l'époque, un film qui désingue des gugus, donc 13 personnes, très graphiquement, hein, parce qu'il y a quand même des morts qui sont excessivement graphiques, c'était vraiment quelque chose d'ultra impressionnant pour l'école. Ça avait choqué, je crois que c'est Christopher Lee, quand il a vu Avoriaz, il a quitté la salle en jugeant que j'étais trop violent. Tu dis putain la vache, le Christopher Lee, ok. Le Christopher Lee, il a dit non, c'est trop. Et puis après, que des trucs d'ingéniosité. Par exemple, pour les travelling, bah, il n'y a pas de pognon. Hein. On peut pas acheter un chariot de travelling. Bah, c'est pas grave, on prend une poussette à bébé. Donc, et on se démerde avec ça. Quoi. J'ai la même anecdote pour The French Collection. Ah bah, tu vois, comme quoi, la débrouille. Hein. Alors, c'est avec un chariot de personnes handicapées, tu vois. Mais c'est pas. Arrête de mentir. Tu l'as pas vu. C'est carrément une poussette à bébé, apparemment. Tu l'as pas vu, French Connection. T'écoutes ce qu'on dit, et puis tu picores, et puis exactement. Tu proposes un truc, ok, d'accord. Absolument. Après, voilà. Donc, Bava, très très grand nom du cinéma. Donc, il y a son fils aussi, Lamberto, qui est clairement moins bon. Moi, que j'aime bien pour Démon 1 et Démon 2. Après, qui est plus connu aussi son fils pour ceux qui regardaient M6 à l'époque pour la Caverne de la Rose d'Or. Au cas où, je sais pas si ça vous remet. Bah, c'était le fils de c'est Lamberto. Okay. D'accord. Donc, voilà. Après, pas du tout, c'est une c'est une série de 6 ou 7 téléfilms gratos. Allez. Ça part, mais où ça part là? Non mais vous avez vu, à chaque fois c'est elle quand même. C'est incroyable. À chaque fois M6, la caverne des perles roses ou je sais pas ça pue le film. Mais non mais parce que la seule rêve de M6 que t'as toi c'est le film de boule. C'est les érotiques du dimanche soir, on est d'accord. OK, ça marche. Mais t'es toujours enfermé parce que j'avais pas cette chaîne. À une époque, ils passaient des trucs comme ça. Ils avaient fait la Caverne de la Rose d'Or. Il y avait eu Dinotopia, tous ces trucs-là, des espèces de grandes séries en format téléfilm, quoi, de une heure et demie. Donc voilà. Après, donc la baie sanglante. Alors là, bah, je vais essayer de raconter un peu vite fait le film, mais c'est un peu vite le bordel à raconter. Le plot. tu veux dire que ça part un peu dans tous les sens, peut-être? Ça part petit peu dans tous les sens. Bah le plot. Ensuite, on va suivre. On va assister à un meurtre. Alors déjà, c'est hyper compliqué en fait, à résumer comme truc. Une riche héritière. Et là, voilà, une comtesse. On en est qu'aux 30 premières secondes. Voilà, qui se fait assassiner. Donc là, en plus, le film débute vraiment comme un giallo pour le coup. Elle se fait assassiner par quelqu'un. Donc là, on se dit, on va partir sur un giallo, c'est machin. Deux secondes après, on te montre le tueur. Donc tiens, c'est bizarre parce que d'habitude, on ne montre pas le tueur. Qui lui se fait tuer 2 minutes après, instantanément aussi. Tu fais ok, d'accord. Donc là, le tueur qui a tué la femme vient de se faire tuer par un autre tueur. Ok, d'accord. Et après, donc, on va suivre toute une histoire d'héritage autour de cette baie, donc, qui comporte une espèce de manoir avec une espèce d'ancien complexe de vacances nautiques. Ouais, vacances nautiques, voilà. Et on va suivre une espèce de poursuite à l'héritage, à qui va récupérer l'héritage. Et où des protagonistes vont popper d'un peu partout avec un architecte, du mari, le fils illégitime, un architecte de connivence avec le fils illégitime de la comtesse qui est morte. Et quatre jeunes que tu sais pas, et un mec de 1m82. Plus ou moins essayer de s'entretuer pour récupérer l'héritage. Voilà, l'héritage, tout simplement. Donc voilà, film très. On voit que Bava, il aimait pas trop les humains, quand même. Enfin, pas les humains. la condition humaine, parce que là, c'est quand même très nihiliste. Tout le monde, c'est des gros enfoirés. Il n'y a pas une personne qui est bien dans ce film. C'est chaque mec et chaque personnage est une vraie ordure. Peut-être les adultes, plutôt. Parce que la fin du film, ou avec les enfants, alors, tu fais... Alors, la fin, en plus... Quand les deux gamins tuent leurs parents, et puis... ils disent ils jouent bien à faire le mort et ça les importe pas plus que ça. Il y a pas forcément d'interprétation, c'est juste. En fait, ça, le monde c'est dans le. Ouais, c'est un peu ça. Mais dans le premier jet du scénario, en fait, les gamins ils tuaient les parents par vengeance parce qu'en fait c'est un peu décousu dans le film parce que t'as un peu du mal à te projeter sur la temporalité. Ça, des fois c'est un peu compliqué parce qu'en fait dans le scénar il t'expliquait d'origine qu'en fait il laisse ses enfants mais plusieurs jours. Là t'as un peu l'impression qu'il les laisse une nuit en fait. Ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai dans le scénar d'origine c'était il les laissait plusieurs jours donc et en fait les gosses ils sont morts de faim. La fin était encore beaucoup plus sombre initialement. Où là c'était clairement ils savaient dans la fin d'origine dans le scénar d'origine plus ou moins avant qu'ils soient retravaillés les enfants étaient conscients de ce qu'ils faisaient, c'était vraiment de la vengeance pour dire vous nous avez laissé limite mourir dans cet état là pour de l'argent, toujours pareil, parce ouais. que c'est vraiment le consumérisme, les gens voient que le pognon, tout est bon pour le pognon. Le message, c'est le capitalisme, c'est de la merde. C'est même, alors, je sais même pas si c'est vraiment le cap, enfin, si, il y a un peu le capitalisme, mais c'est vraiment le côté, ouais, le côté argent, le pouvoir, enfin, mm-hmm. avoir de l'argent, ce côté-là. Après, film pareil, le qui est très écolo, quand tu regardes bien, parce que... Ecologia dell'elite. Ouais, le truc qui veut rien dire. Ouais, le truc qui veut rien dire en vrai, mais le film, ouais, c'est le film est très écolo parce qu'en vrai, c'est la guerre de personnes qui veulent moderniser une baie, une baie entièrement naturelle et qui veut transformer ça en usine en pompe à fric, quoi. Tout simplement, on va faire des complexes, on va faire des machins. Donc voilà. Alors, après, je sais pas vous, ce que vous en avez pensé de la baie sanglante. Moi, Jess, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, j'avais hâte de le voir. J'avais entendu que La baie sanglante, c'est un des films giallo les plus simples à aborder si tu as pas forcément les codes, que c'est non ou peut-être j'ai tort, mais alors c'est pas vraiment un giallo, il est plus que considéré comme un slasher qu'un vrai giallo, mais slasher ou tueur qui intervient de toute façon. Si tu l'as, alors après généralement quand ils parlent de giallo, en fait c'est la combinaison de policier, horreur et érotisme. Bref, j'avais hâte de le regarder parce que ça fait longtemps que j'ai envie de commencer à me mettre à regarder certains films des mouvements giallo, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai peur de me lancer dans ceux que je comprendrai pas forcément assez bien et que ça va me décourager, parce que je sais que certains peuvent être un peu abscons ou hermétiques et que tu restes vraiment en dehors. J'avais pas envie que ce soit le cas. Mais celui-ci, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y a une espèce de poésie dans la façon dont il filme les protagonistes avant que les meurtres commencent, parce qu'une fois que ça, ouais, je trouve qu'il y a un certain regard qui est posé, enfin dans la façon dont c'est filmé, peut-être le grain de la pellicule ça aide aussi, ça... c'est un très bon technicien de toute façon, il utilise beaucoup de procédés qu'il a vraiment démocratisé. Tu vas avoir les transitions en flou, il va beaucoup utiliser le zoom qui est revenu après pas mal dans d'autres productions italiennes. Et il a vraiment un cadrage. Moi, j'aime beaucoup son cadrage. Il va jouer un peu toujours où tu peux prendre un peu sur le giallo, c'est qu'il va toujours jouer sur les dualités de couleurs. T'auras toujours une dualité de couleurs, donc à beaucoup de plans. Et dans la baie sanglante, ce que tu vas avoir, c'est beaucoup du bleu et du rouge. T'as souvent un contraste bleu-rouge en double teint, ouais, sur beaucoup de plans. Ouais, j'ai trouvé que c'était très beau, en fait, tout du long du film, même si c'est très violent, c'est très beau. Peut-être que ça fait partie aussi de son propos, parce que j'ai l'impression qu'il nous met en garde tout au long du film par rapport peut-être à une banalisation de la violence qui ne fait qu'engendrer plus de violence. Et pour moi, ça collait avec cette idée que les gamins... tellement normalisé par rapport à la violence qu'ils tuent leurs parents et ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et je me dis, ouais, tiens, ça renforce un petit peu ce propos. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que l'inventivité que tu mentionnais juste avant, la façon dont ils ont filmé, elle se ressent, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif parce qu'il y a des plans, tu sais, caméra subjective, enfin, tu t'es pas sûr parce que c'est possible que c'était pas le tueur, mais t'as l'impression que quelqu'un rôde dans les buissons, qu'il observe la jeune norvégienne qui va se baigner dans le lac, ou je sais plus, allemande, ou... Plusieurs plans comme ça qui sont super intelligents, qui me permettaient de vraiment m'investir dans l'histoire qui m'était racontée. Et même si le plot, ouais, part un peu dans tous les sens et sur la fin, t'es là, qui veut tuer qui et pourquoi, mais c'était pas grave parce que J'avais l'impression que, avec ce genre de film, c'est toujours plus un propos artistique que vraiment quelque chose de très codé. Oui, le plot, il est vite brodé pour relier les scènes de meurtre, en vrai. Hein. Même lui, il s'en cache pas trop de ça non plus, donc bon. Mais c'est un festin pour les yeux, pour les oreilles, parce que la bande-son est super. Les meurtres étaient cool. Le meurtre au Javelot, mais c'est super fun. Alors oublie-toi, je sais que... Jess, les meurtres étaient cool. Forcément, hein. Mais pour les années 70... Non, mais pour les années 70, c'est un super spectacle de slasher comme tu les aimes et que tu les retrouves pas forcément dans les slashers, même contemporains, tu vois. Donc c'était vraiment, moi, c'était une surprise extrêmement positive, non seulement parce que j'ai adoré ce que je savais, parce que je me suis un petit peu renseignée sur ce qu'était le giallo et je savais ce qui était... les aspects giallo du film, et j'étais contente que ça me plaise parce que je me dis, cool, je vais pouvoir me diriger vers d'autres films du même genre, mais je trouvais l'histoire, même si un petit peu alambiquée, il y avait des tas de réflexions que tu pouvais te faire par rapport au propos du film, tu vois, sur la dimension écologique, cette dimension aussi capitaliste, tu vois, la recherche toujours, du gain, ouais. Toujours plus, et peu importe les manigances, et peu importe que tu y perds ton humanité, et c'est aussi le... Je pense le parti pris que lui prend, que tu y perds ton humanité, en fait, si c'est ça que tu poursuis éternellement. J'ai trouvé les acteurs super chouettes. J'ai vraiment, vraiment, vraiment tout aimé. C'était une super bonne surprise pour moi. Et j'avais peur parce que tu me connais, les films des années 70, pas forcément ma came. Et puis celui-ci, sachant que c'était un truc à part l'apprenti sorcière. Alors, question voilà, ça par rapport bien à ça, par contre, je n'ai pas trouvé ce film. Est-ce que la VO, c'est en italien non, ou en anglais? Je crois. Je l'ai pas elle est en anglais, la VO, il me semble. Ah, ok. Si je dis pas de bêtises. Ok, parce que du coup, tout le monde parlait avec des accents italiens. Je me dis, mais du coup, si le film est en italien, pourquoi pas juste me proposer la version italienne et je lirai les sous-titres, tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais pas le choix, je devais le mettre en anglais. Ouais, énorme bonne surprise pour moi. Merci Storm. Je vais céder le mic à Flo. Non, bah, Storm, je pense que t'avais un truc à dire. Ouais, non, mais après, je conçois que c'est pas forcément un domaine qui est facile à rentrer hein, dans le cinéma italien d'horreur, encore plus sur le giallo. Ah, mais c'est une ambiance tellement particulière qui t'enveloppe et qui te prend vraiment dans les tripes. Moi, ce que dans l'âme. Ce que j'aime, c'est qu'il y a... ouais, non, pas tout. C'est qu'il y a toujours des. Il y a toujours des trucs que je trouve hyper intelligents, des transitions, des plans. Genre, par exemple, des trucs très cons, mais quand elle se fait étrangler, la comtesse, et qu'elle meurt, t'as ce plan après sur la roue de... Ah ouais. Du fauteuil roulant qui tourne. Qui tourne. Et que, si tu remarques bien, elle ralentit et elle fait le même bruit que des battements de cœur, en fait, jusqu'à quand la roue s'arrête et qu'elle soit morte, tu vois. Tout des transitions comme ça. T'as une transition qui est rigolote, et ça, c'est la femme qui me l'a fait. Ça, c'est rigolo, dis donc. Non mais c'est des trucs que je trouve vraiment fun qui me l'a fait remarquer et sur le coup j'avais pas fait gaffe, j'ai dit t'as raison. Il y a un moment t'as une scène de je sais plus ce que je sais plus si c'est une scène de meurtre ou pas qui est assez violente et compagnie et t'as une transition sur je crois que c'est une scène de meurtre, j'ai un doute maintenant mais bon, tant pis, je vais rester là-dessus. Et t'as une transition sur la voiture, sur la coccinelle, et en fait t'as la transition sur la coccinelle de face et t'as l'impression qu'elle rigole, la bagnole. Enfin, je sais pas comment tu vois le truc pour avoir le contraste de... Oui, parce que les phares, et puis ça fait créer un petit sourire. Et tu sors d'une scène, et d'un coup, tu passes... Et c'est tout. C'est quand les deux, ils sont au plus bas et qu'ils se font embrocher l'un dans l'autre. Ça doit être ça. Et t'as le plan ça. Suivant, c'est sur la bagnole. Et je trouve que c'est tellement fort que tu dis... Ah oui, c'est plein de trucs comme ça. Et Bava, c'est plein de trucs comme ça qui met en place dans beaucoup de ses films. C'est un mec qui a inspiré beaucoup de personnes. Par exemple, Alien, ça vient de lui. L'inspiration d'Alien, ça vient de la planète des vampires. Enfin, c'est un mec qui a vraiment pesé lourd et qui a, je pense, pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir sur peut-être sa carrière. Peut-être posthume, parce que beaucoup de gens oui, se bavardent posthume, beaucoup de trucs posthume. Pour des tas de piliers cinématographiques. Bah, la baie sanglante a eu son côté culte, mais des années après, hein, 10-15 ans après... Mais bon, comme beaucoup de grands réals, j'ai envie de dire des fois. Vas-y, Flo, si tu veux y aller un coup. Enfin, tu vas peut-être pas nous dire pareil. Donc. Ouais, non, bah après, enfin, c'est pas mon genre de prédilection, hein, les slashers. Mais c'est vrai que le film, en fait, il m'a accueilli dès le début avec les deux premiers meurtres. J'ai fait, oh putain, attends, ça fait 7 minutes et on a déjà deux meurtres. Il y a zéro parole. Ça va, c'est hyper efficace. Et quel fait, body count! Ouais, c'est ça, tu fais putain, Bodycom 2, waouh, trop bien! Et en fait, je suis rentré directement dans le film. Et après, j'avoue que la profusion de personnages et le fait que certains personnages, tu te dis, mais qu'est-ce que tu viens foutre là? Enfin, juste le truc avec les 4 jeunes, tu fais, mais ouais. Qui êtes-vous? Pourquoi? Oui. Alors, pourquoi, c'est totalement gratuit. Ouais. Avec la femme qui a la robe la plus courte du monde que j'ai jamais vue de ma vie. Mais c'est ça! Mais il fallait un plan nichon. Il fallait un plan nichon, ouais, et c'était elle. Mais après, tu vois, l'histoire, tu vois que c'est une histoire aussi un peu de vengeance, de oui, normalement ça aurait dû me revenir parce que machin. Et c'est un petit peu un truc de famille, et puis t'as les 4 jeunes qui arrivent là. Tu te dis, ok, et on se dit, tiens, si on faisait un personnage, ils sont tous italiens, mais il y en a un qu'on va appeler Brunehilde, parce que quand même, oui, faut quand même faire beau. Une petite référence à l'Allemagne de tonton Adolphe, quand même, parce qu'on sait jamais. C'est tellement beau, quel beau prénom. Je sais pas. Non, mais c'est pas, tu sais pas du tout ce que ça vient foutre là, mais sinon, à part ça, ouais, on sent bien que effectivement ça a été une inspiration pour beaucoup de personnes après, et que ça a été un tournant, et que c'est un des, ouais, on voit que c'est un des trucs qui a mis en place le genre du slasher. Et j'ai fait ok, plutôt efficace, parce que bah combien de personnes le body count il est à combien, tu disais? 13. 13, tu vois, c'est rigolo. 13 en 1h20. 13 en 1h20, c'est plutôt efficace. Non, franchement, c'était une découverte. Et j'ai bien aimé, même si effectivement les quatre jeunes, tu sais pas trop ce qu'ils foutent là. T'as toujours ces trucs là où tu vois, ça fait des transitions sur la voyante. Ah, ça, il va se passer ça. D'accord, madame, bonsoir. Bon, oui, okay, le couple de marginaux là, ouais, qui lui juste. Ouais, tu te dis, mais qu'est-ce que vous venez foutre là aussi? Bon, ok, très bien. Pendant un long moment, je l'ai soupçonné de faire partie des criminels. Enfin, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais moi aussi. Et donc, je pense que c'était un peu voulu, mais non, assez efficace, et j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai plutôt même passé un bon moment. Donc plutôt cool. Merci, merci Storm. Tu vois, tu développes un petit amour pour l'horreur grâce à ce podcast, parce que ça fait plusieurs. Je pense que je vais le faire à la maison aussi maintenant. Ouais. Non, mais du coup peut-être voilà. Après, jour, tu viendras dans l'antre avec Flo. Ouais, non, il faut qu'on. Je l'ai déjà proposé. Bah oui. J'ai donné mon film aussi. Hein. Ouais, il a même déjà son film, est-ce que j'avais. Ah oui, Booba Hotep. Ah bah oui, j'ai proposé Booba Hotep, bien sûr. Est-ce que Tom voudrait avoir Booba? Non, peut-être on prendra juste Flo. Au moins, tu sais, je suis pas à une expérience près de films totalement improbables. Après l'apprenti sorcière, t'es prêt à tout. Après l'apprenti sorcière, après la baie sanglante hein, aussi. Hein. Oh, sérieux? Allez, vas-y, Tom. Vas-y. Non, Tom. J'ai pas aimé. Oh mon petit cœur. Ouais. Non mais je suis désolé. Qu'est-ce que je me suis noté? Sur cette merde. Envie de crever. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, envie de crever. Alors je me suis posé la question de savoir si j'étais dans un nanar ou dans un mauvais film en fait. Ah les années 70, ouais. Et pour ça, il faudrait le regarder à plusieurs pour. Je pense qu'à plusieurs, tu dois bien te marrer à regarder ce truc-là quand même, je pense. Ah puis en plus si tu le regardes en français. Le doublage français, il est quand même pas. Il est top, il va bien. J'avoue qu'il est pas foufou. Et puis, j'ai trouvé ça mal écrit, mal filmé, mal monté. Enfin, au début, le premier plan, mais t'as la caméra qui bouge comme ça pour suivre un moustique et bon, qui va se planter dans l'eau. Je trouve ça trop bien, c'est tellement merde. Parce que tu retrouvais ça dans les Western Spaghetti aussi. Merde. J'avoue que ce premier plan où ça bouge et tu fais, mais pourquoi tu suis un moustique? C'est quoi le. Ouais, qu'est-ce que tu veux non, c'est pas possible. Quel est ton message? Mais pourquoi pas? Mais oui. Ça ne rime à rien. C'est immersif. Ouais, non totalement. Ouais, bien sûr, totalement immersif. Ouais. Et je rejoins ce que disait Flo tout à l'heure. L'arc des quatre jeunes là et tout. Mais... C'est rajouté là juste pour te foutre 4 meurtres de plus. Pour du body count. C'est nimp. Enfin, la nana, elle voit personne derrière. Elle remonte là en courant, elle voit personne derrière elle. Puis à un moment, elle se fait juste trucider par le gros couteau, là, par les grosses machettes là en arrière. Serpe, ouais. Elle a même pas vu venir. Non, mais c'est nimp de chez nimp. Oh là là, j'étais là. Heureusement qu'il dure que 1h20 parce que t'as tant ressenti 2h. T'as vu, j'ai pensé à toi, je suis gentil quand même, à 1h20. Ouais, alors, et celui-là, je l'ai pas passé en et demi, hein, tu vois, je l'ai passé en vitesse normale. Je me suis dit, bon, allez, 1h20, ça passera, mais. Oh là là là là, quelle épreuve, quelle épreuve. C'était... je m'en doutais. Ah ouais, je pensais que Thomas allait pouvoir quand même y déceler quelques... Je sauve rien. Non. Je sauve rien du film. Rien du film. Ne serait-ce que le fait que c'est un peu la template de base qui a quand même énormément influencé le cinéma d'horreur. Tu peux pas lui enlever ça déjà de base. Un mec qui a toujours refusé d'aller à Hollywood. Hein. Ici, on fait des ponts d'or, il a toujours refusé. Il a toujours dit non, ça m'intéresse pas, je suis bien en Italie, je suis bien chez moi. Tant pis pour lui, enfin, ou tant mieux pour lui, j'en sais rien. Mais non, c'est... Oh. C'est vrai, parce voilà, que tu détaches le slasher de base aussi, je pense que le film... Non, il y a certains... Non, franchement, en plus, il y a certains films slasher, néo-slasher que j'ai bien aimés. Voilà, il y en a d'autres que j'ai moins bien aimés, mais que j'ai, voilà, où j'ai pas passé un mauvais moment. Celui-là, il a capté zéro intérêt de ma part du début à la fin, quoi. Ah ouais. Non. Ah, je sais pas, dans le premier plan en moustique, moi je me suis dit, oh yeah! Je vais en faire hurler deux là, mais je crois même que j'ai préféré Wolfen, quoi. Oh non, Tom, non. Oh le bâtard, ça se fait pas! Il y avait plus de propositions dans Wolfen que dans celui-là, quoi. Non, mais il y avait tellement moins de rythme. Pourtant, je l'ai pas aimé. Je me suis pas ennuyé devant Bay of Blood, alors que je me suis ennuyé devant celui de Flo et un tout petit peu. J'ai trouvé French Connection un tout petit peu trop long aussi, mais celui-ci pas, tu vois. Il est bien canalisé. Il sait ce qu'il veut dire. Enfin, il sait ce qu'il veut dire. J'ai l'impression qu'il s'est un petit peu perdu dans la réécriture des trucs puisque le premier draft n'était pas celui qu'on a, la version qu'on a. Ouais, il y a eu quelques petites variantes sur l'ensemble. Le plot, enfin, je veux dire. À quel moment tu te dis pour un héritage, je vais en venir à ce qui est 13 morts. C'est ce que tu observes dans la mentalité de tes contemporains à l'époque, et tu te dis, mais si je pousse le curseur un tout petit peu plus loin, j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens ceci, quoi. Un vrai massacre, juste pour une poursuite de plus de gains. Pour de l'argent. Ouais, d'argent. Ouais. Enfin, du gain, de l'argent. De ressources, parce que peut-être que la baie en soi, c'était plus avoir la baie en niveau géographique qui était important, je sais plus trop. Oui, de toute façon, c'est un complexe hôtelier qu'ils veulent refaire, ils veulent refaire un énorme parc aquatique et tout. Enfin, du pognon, quoi, ils veulent refaire, plutôt que de laisser le truc à l'état sauvage. On va faire un aquaboulevard, ouais. Mais après, je ah, mais je quoi de mieux qu'un aqualand, putain. Mais ouais. Oui, je me doutais même, je me suis même dit, je vais être le seul qui va le défendre au départ, quand même. je me suis dit, parce que c'est pas facile, hein, je l'entends, hein, des gens, quand tu rentres là-dedans, ou même dans du giallo pur, ou des trucs comme ça, c'est pas... Bah, faut se mouiller la nuque, hein, forcément. C'est ça, c'est, si t'as pas habitué, en plus, 70, tu peux te dire, waouh. Et puis il y a des trucs que j'adore, moi, il y a des transitions qui me font délirer, genre quand elle se baigne à poil et que t'as la transition sur le pêcheur en train de mordre son poulpe, au début je croyais que c'était une testicule. Putain, ils ont pas osé quand même. Il a pas osé. Enfin bon, moi c'est vrai que j'aime bien. Mais ça, j'ai pas compris d'où il pêche en poulpe, il est dans un lac. Ça, j'ai pas compris. Ta gueule, c'est magique. C'est du poulpe d'eau douce, c'est bien connu, le poulpe d'eau douce. Alright. Non, moi j'ai un film et du coup, que j'aime bien. Est-ce que tu es surpris que 3 sur 4 aient apprécié le film? Honnêtement, oui. Yes. Honnêtement, oui. Ça sent de bonnes statistiques pour Storm aujourd'hui. Alors que moi, c'est en 3, c'est 1-0, tu vois. C'était 3. Non, mais oui, non, je sais, dire que c'était trop long et trop comédie musicale et qu'il répétait trop les paroles. On a défendu des trucs, milieu, quoi. C'est pas. Mais dire que c'est mieux, c'est moins bien que Wolfen, je pense que c'est scandaleux, Thomas, de dire des trucs pareils. C'est dur. C'est le maître étalon maintenant. Si on peut plus troller tranquille, au calme. Au moins, c'est ce qu'il a apporté quand même. C'est ce truc qu'il a au moins apporté. C'est une référence, une template. Peut-être d'ailleurs que les. Enfin, une référence. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler, mais c'est vrai que je me suis pas trop intéressé à ce cinéma-là non plus. Wolfen, il a aussi amené quelque chose. Hein. Moi, il m'a amené un PTSD. Hein. Ah. Les petits trucs en POV du coup là, en rayon X-ray. Ah, mais c'est vrai que tu dis quand même que Bava, il est théoriquement l'inventeur du slasher et l'inventeur du giallo. Le daddy. Ça va, c'est quand même pas mal. Le daddy du slasher. C'est quand même pas mal. Et du giallo. Hein. Tu vois, ça c'est des. Donc, pas déconnant. C'est quand même pas rien. Hein. C'est la classe. Est-ce que on passerait au film de Tom? Oui. Un autre classique. Tout à fait. Parce que autant. Une baie sanglante et French Connection, les deux devraient potentiellement parler, parce que les deux sont hyper connus, pour des raisons totalement différentes. Passons à French Connection. Connection, Willie. What's his name? I want to hear it. Come on. La French Connection a un titre québécois, les amis. Oh, merde. Vous savez, la connexion française. Vous savez ouais, quel point je suis friand des titres. Ouais. Et non, la filière française. Ah, la filière. C'est donc un film de William Friedkin, voilà, qui nous a quittés il y a assez peu de temps. William Friedkin, c'est quand même des certains films assez connus, hein, L'Exorciste notamment. Ça je sais que ça va plaire à Storm Edges. On l'attend toujours dans l'antre de la peur d'ailleurs. Il serait temps de s'attaquer aux années 70. Ah oui, oh, on en a pas mal qui arrivent des années 70 quand même. Un remake, Sorcerer, qui était le remake du comment du ah ça mais tu vois j'ai ça y est The Witcher. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, comment du... le film français... Le titre français... Ah ouais, Henri Cavill, je connais. M'échappe totalement. Quel horreur. Moi, moi, le salaire de la peur, pardon. Le salaire de la peur. Voilà. Cruising, Police Fédérale, Los Angeles, et un peu plus près de nous, Killer Joe. C'est un film donc, qui est tiré d'un scénario de Ernest Tidman d'après un livre qui s'appelait The French Connection. Petit budget de 1,8 million de dollars à l'époque. C'est vrai que c'est pas gros. Pour comparaison, le Parrain qui a été tourné l'année d'après avait un budget de 6,5 millions de dollars. Voilà. Et par contre, il a fait légèrement la culbute au box-office, puisqu'il a ramené entre 75 et 80 millions de dollars monde. Et en France, 2 millions, un peu plus de 2 millions d'entrées France. Voilà. Belle culbute, quand même. Belle culbute, ouais, tout à fait. Et puis un bel accueil critique, 98% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Il est sorti le 9 octobre 1971 aux États-Unis. Et il a raflé un paquet d'Oscars. C'est ce qui nous a fait regretter que Le Parrain ne soit pas sorti l'année d'avant, puisque il aurait peut-être battu French Connection sur pas mal de choses. French Connection a raflé meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Gene Hackman, meilleur scénario adapté, meilleur montage. Et il a été aussi nommé dans les catégories meilleur acteur dans un second rôle, meilleure photo et meilleur mixage son. Donc, box-office et succès critique également. À la distribution de Gene Hackman, qui joue l'inspecteur Popeye, Fernand Doré, qui joue Alain Charnier. C'est marrant, c'est un gars, j'ai recherché un petit peu ce qu'il avait fait. C'est un acteur espagnol qui a une filmo qui est longue comme le bras. Le mec a joué avec Luis Buñuel, Orson Welles, Robert Altman, il a même joué avec Ridley Scott. Et également dans Les Sept Mercenaires, voilà. Rocheder, qui joue Buddy, qui a joué notamment dans Les Dents de la Mer. Donc c'est un film qui suit en fait une enquête policière et qui s'est inspiré en fait de faits réels, du trafic de drogue des années 60, années 70, où on appelait ça la French Connection parce qu'à l'époque 80-90% de l'héroïne qui arrivait aux États-Unis, notamment par la côte est et le port de New York, provenait de la France. Et on était bon dans des trucs à l'époque, hein. Et on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. On avait de la coke. Et le personnage donc d'Alain Charnier est basé sur celui d'un gars qui s'appelait Jean Jehan, et un gars qui avait été arrêté à Paris pour trafic de stupéfiants et qui n'avait jamais été extradé vers les USA, puisque la France n'extrade pas ses citoyens. Un autre personnage du film qui s'appelle Salvatore Bocca était inspiré d'un gars qui s'appelait Pasquale Fuca et son frère Anthony. Frère Fuca et Laurent, en fait, faisaient partie d'une équipe de trafiquants de drogue qui était en lien... Ce qu'a inventé les dragées. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, pas vraiment. Et ils étaient en lien, par contre, avec les 5 familles du crime new-yorkais. Autant te dire, allez, ça va. Des gens assez bien placés. Voilà, totalement fréquentable. Le présentateur français qui s'appelle dans le film, qui s'appelle Henri Devereaux, et qui fait venir sa voiture par bateau, lui aussi est inspiré d'un Français qui a existé, qui s'appelait Jacques Angelvin, qui était acteur et présentateur à la télé, et qui a été arrêté aux États-Unis en 62 pour importation illégale de drogue. et qui a été à l'époque condamné à 6 ans de prison avec une sentence réduite à 4 ans et une expulsion vers la France à sa sortie de prison. C'est pas Michel Drucker qui ferait ça, hein ? Pas vraiment, non. Et à noter que avant la sortie de French Connection, Gérard Oury s'était déjà inspiré de l'histoire de ce présentateur français pour tourner Le Corneau avec Bourvil en 64. Alors, le film a un petit aspect, je sais pas si vous l'avez noté ou si ça vous a frappé, mais il a un petit aspect documentaire. À 300%. C'était une volonté de Friedkin, en fait, d'essayer de décrire le déroulement d'une enquête policière avec beaucoup d'authenticité, d'où le fait que certaines scènes ont été tournées caméra à l'épaule, et notamment dans beaucoup de décors réels et en lumière naturelle. Mm-hmm. Pour ça qu'on a beaucoup de regards cam aussi, comme ça, ou... Ouais, ça se voit un peu. Oui, parce qu'ils ont, pareil, ils ont aussi bloqué certains lieux de tournage où ils n'avaient pas vraiment l'autorisation de tourner à ce moment-là. Oh, donc ils n'ont pas pu bloquer les rues comme ils le voulaient. Et certaines scènes, effectivement, ont été tournées totalement sans autorisation. La scène de l'embouteillage à la sortie du pont de Brooklyn, notamment, l'embouteillage a été créé par des policiers en civil qui étaient dans leur voiture et qui ont arrêté en fait leur voiture sur le pont à certains endroits pour provoquer un embouteillage et pour que Friedkin puisse tourner sa scène à ce moment-là. Le rôle de Popeye, qui est tenu par Gene Hackman, au départ ne devait absolument pas être tenu par Gene Hackman. Ils ont envisagé, et alors là la liste est longue, Paul Newman, Jackie Gleason, même un journaliste new-yorkais qui s'appelait Jimmy Breslin, James Caan, Peter Boyle, Steve McQueen, mais il a refusé parce qu'il ne voulait pas faire d'autres films policiers après Bullitt, Charles Bronson et Rod Taylor, avant que le rôle arrive à Gene Hackman. Et Friedkin a même déclaré: « C'était pas mon premier choix, ni mon deuxième, ni même mon dixième choix. » Très clairement, je n'en voulais pas, il était beaucoup trop tendre pour le rôle, mais on a fini par se rendre à l'évidence. Nous n'avions personne d'autre. Et aujourd'hui, je suis... Oui, vas-y. Un Charles Bronson, ça aurait été quelque chose. Quoi. Ah ouais. Et il finit sa phrase en disant: « Aujourd'hui, je suis incapable d'imaginer le film sans lui, il est parfait. Cette chance qu'on l'a eue, on la doit au Movie God. » Et pareil, le choix de Fernand Doré résulte d'une erreur d'identité. Friedkin avait demandé à son directeur de casting d'engager un acteur espagnol qu'il avait vu dans Belle de jour de Luis Buñuel, mais il connaissait pas le nom. Le gars s'appelait Francisco Rabal. Voilà. Ray, qui avait tourné plusieurs films sous la direction de Buñuel, a été contacté en fait à la place de Rabal. Puis finalement, la production a retrouvé l'acteur qu'il voulait au départ, mais il parlait ni français ni anglais, donc ils ont gardé Fernand Doré pour le film. Petite anecdote supplémentaire, lors du montage final, en fait, le français de Fernand Doré avec son accent espagnol a été considéré comme inaudible, donc ils ont décidé de redoubler tous les passages en français, mais conserver ces passages en anglais. C'est jamais très drôle quand on te dit: écoute, on va redoubler tes lignes. On comprend ce que tu dis. Écoute, tu c'est parles comme une accent, merde. Ton français, on le comprend pas, t'es sympa. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la cérémonie des Oscars a été prolifique pour le film French Connection. Et lors de la cérémonie des Oscars, la limousine qui emmenait Friedkin et des proches à lui est tombée en panne. Et lui et ses passagers se sont précipités à la station-service d'à côté pour demander à un gars de les emmener au Kodak Theater. Ça lui faisait faire 2 heures de détour, mais il s'est quand même fait $200 pour les emmener là-bas et leur sauver la soirée. Et quand il a su... Pas mal. Quand il a su qui il avait transporté, quand il a été recontacté par Friedkin pour que Friedkin lui paye les $200 et qu'il a su qui il avait transporté, eh ben il a dit: « Oh, bah non, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de vous rendre service, j'ai pas besoin que vous me filiez du pognon. » Sympa. Plutôt sympa, quand même. Plutôt cool. Et c'était Donald Trump à l'époque. Et c'était Donald Trump. Alors ça aurait été maintenant, tu aurais dit: « Non, mec, tu payes avant que je t'emmène. Hein. » Oui. Non, tu veux que je t'emmène, c'est tu sûr. Payes. Tu payes. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera du film, mais il y a effectivement une scène de poursuite en voiture. Voilà, moment important dans le film. Et elle aussi a été tournée sans que ce soit véritablement autorisé. Il y a quand même eu une aide policière pour bloquer et tourner sur 5 blocs au niveau du métro aérien qui était situé sur la headline à Brooklyn et contrôler un petit peu le trafic auto. Mais le tournage est allé bien au-delà et s'est retrouvé au milieu du vrai trafic. Et un vrai accident avec un des camions a été gardé dans le film. À noter que c'est Friedkin lui-même qui filmait à bord de la voiture, car tous les cadreurs étaient mariés et avaient des enfants. Et donc Friedkin a dit « Non, c'est trop dangereux, vous avez des familles, donc je vais prendre la caméra moi-même. » Pour la partie métro, ils avaient reçu des autorisations de la part de la New York Transit Authority pour des scènes qui étaient assez restreintes. Et quand Friedkin, en fait, a présenté son projet global, l'employé qui était en charge du dossier lui a répondu « Alors, si je signe cette demande de filmer dans le métro avec ce que vous me demandez, j'ai besoin de 40 000 $ et d'un aller simple pour la Jamaïque. » Friedkin a demandé pourquoi, et le gars lui a répondu « Parce que quand le film va sortir, je vais me faire virer. » Je serai viré. Et c'est exactement ce qui s'est produit à la sortie du film. Le mec s'est fait virer. Oh non. Si. Bah, il a fait laisser 40 000 ou pas. Alors, c'est ce que Friedkin dit, c'est qu'il a accédé à sa demande. Donc, peut-être pas le billet pour la Jamaïque, mais en tout cas, a priori, il aurait filé, sur le budget du film, il lui aurait filé 40 000 $. À l'époque, en plus. Donc, mais l'inflation, ouais. ça reste honnête. 40 000 $ de 71, ouais, ça représentait quand même une belle somme d'argent. Ouais, c'est clair. Et dernière petite anecdote, le bar dans lequel Popeye, au début, fait un milkshake, tu sais, avec tout ce qu'il ramasse de joints, de drogue, machin, etc. Et bien aujourd'hui, ce bar, c'est un fast-food de la marque Popeyes. Oh, petit nod. Deuxième anecdote, cette chaîne de fast-food a été nommée ainsi par son fondateur Al Copland en hommage à Popeye Doyle, le personnage du film. J'ai recoupé cette information plusieurs fois tellement elle me semblait dingue. Ouais. Mais c'est vrai, c'est absolument véridique. Voilà. Alors. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Ah, tu en as d'autres ? Ah non, j'ai juste calculé apparemment l'inflation. 40 000 $ de 71, ça serait l'équivalent de 320 000 $ de maintenant. Sérieux ? Ouais. Ça augmente autant ? Ouais. Waouh. Ah, ça va. Ouais, ça va. Il peut sympa. Payer sa mortgage. Son emprunt bancaire. Ouais. Sauf que peut-être qu'aujourd'hui, un mec demanderait 1 million de dollars. Voilà. Ah, oui, il n'irait pas jusqu'à demander 1 million. 1 million. Il ne demanderait pas 300 000, il demanderait 1 million. Mais c'est comme la scène là où ils parlent de vendre la drogue. Vous pouvez vous faire pour au moins 6 000 $. Ouais, c'est ça. T'as l'impression. Attends, t'es con, 6 000 $. T'as 60 kilos de cam, 6 000 $. Ah, mais ça, c'est comme les films en ancien franc. Hein. Ouais. Déjà, la quantité de drogue a l'air un petit peu minime. Tu peux peut-être. Tu peux peut-être en fournir pour un quartier pendant 2 jours, mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup. Oh, attends, il a 60 kilos. Il y a 60 kilos. Elle est pure. Et c'était le cas. Ah oui, elle est pas coupée en plus. Elle est pure à 99%. Elle n'est pas coupée. Donc ils peuvent en refaire un paquet derrière. Ah bah oui. Et le gars estime à plus de 30 millions de $ en fait ce qu'ils vont ramasser dans la rue. Ouais, ouais. 30 millions de $ en 70. C'est colossal. C'est colossal. C'est un chouette PD. Après, 60 kilos de poudre, et puis à l'époque, c'est pas le prix de maintenant. Hein. Mais ça dépend qui est ta clientèle. Si tu n'as que des Jean-Claude Van Damme, tes kilos, ils durent pas énormément. Ah oui, vu comme ça, oui. Ouais, il fait beaucoup de beignets, c'est pour ça, il sucre beaucoup. C'est pour mettre sur les gaufres. Dans la vraie histoire de la French Connection, c'est que une voiture comme ça arrivait quasiment chaque semaine à New York. Oui, c'est ça en plus. Voilà, là on suit cette histoire-là, sur une bagnole, etc. Mais il y avait de France, il y avait une bagnole par semaine qui arrive. Ouais, c'est énorme, une bagnole par semaine à 60 kilos. Enfin, c'est colossal. Ouais. Jess, pour ma gueule. Qu'as-tu pensé de ce chef-d'œuvre ? J'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment vraiment très bien. Je crois que c'est surtout c'est la fin qui a cimenté mon impression que c'était... Ouais, je comprends pourquoi les gens en parlent comme dans chef-d'œuvre, en fait, parce que c'est pas juste un film, une enquête policière d'énarque. Ça va plus loin, ça explore plus de thématiques au niveau des personnages, notamment de Popeye Doyle, donc le policier interprété par Gene Hackman, qui est un petit peu ton protagoniste. Mais tout au long du film, il y a des personnages qui gravitent autour de lui, qui nous donnent certains indices et qui nous disent « Ce mec, parfois il suit ses instincts, mais il devrait pas, et ça amène parfois à des conclusions qui vont faire du mal aux gens qui l'entourent. Et tu te dis, ouais, mais enfin, bon, c'est un policier, il veut bien faire. Et puis nous, on le voit obsédé par son, par sa baleine blanche, si tu veux, par, par son enquête. Il veut vraiment démasquer ce mec, il veut l'arrêter. Et tu vois que ça va l'emmener sur une pente descendante jusqu'à ce qu'il, à la fin, il assassine un collègue et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Moi, je m'attendais pas à cette conclusion-là. J'ai forcément adoré les scènes de poursuite. Parce que j'ai adoré la scène de filature où lui poursuit ses charniers, c'est ça. La dans scène de filature, elle est géniale. Elle est top. Elle est trop bien filmée. Il y a une tension de fou. T'es jamais perdu. T'es jamais perdu. Mais tu as des doutes. Tu n'es pas sûr que Charnier a vraiment compris qu'il était filé ou pas. Il laisse persister. S'il sait qu'il est filé ou pas. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. Mais alors, la scène de poursuite où Gene Hackman a survécu à une tentative d'assassinat et il poursuit le sniper, qui se termine, lui, en bagnole, l'autre est dans un train qu'il a hijacké. Cette scène, elle est absolument fantastique, quoi. Le challenge technique, parce que si j'ai bien compris, ils avaient dû en effet mettre des caméras sur les bumpers, sur le devant de la voiture, pour filmer ces plans POV, téléphare de la voiture, qui sont vraiment trop bien, qui de nouveau donnent des leçons à Fast and Furious. Tu te dis, mais ça c'est de la course de poursuite, c'est ça que je veux voir. Tu sens bien que, parce que j'ai lu que malgré qu'ils avaient préparé la scène et qu'ils employaient des stuntmen, etc., ben, les timings dans les cascades n'étaient pas toujours observés. Et donc, c'est ce que tu avais dit, Thomas, ça donnait lieu à des cabosses sur des voitures. Des accrochages où ils se touchaient, ils n'auraient pas dû, et ils avaient décidé de le garder. Ils en ont évité beaucoup. Ils en ont évité, ok. Ben, ils en ont aussi gardé pas mal dans le film. Mais c'est bien parce que ça renforce cette immersion. Tu as l'impression que tu vis cette enquête avec eux, et c'est renforcé par ce style documentaire qu'il a décidé de garder tout du long du film, qui est un très bon choix pour moi, pour cette histoire, pour ce que tu me racontes. Ouais, pour moi, la fin vient vraiment élever le film, en fait, parce que je me demande à ce moment-là, qu'est-ce que t'essayais de me raconter ? Je sais que c'est pas juste cette enquête d'Hénard qui, en soi, est intéressante, parce que c'était quand même un truc de fou, tu vois, de faire venir cette voiture de France par bateau, d'avoir un mec qui était une star de la télé qui en fait éloignait les soupçons, regardait pas trop vers toi puisqu'on le regardait lui. Que ce mec a échappé à la justice, Charnier, il s'est échappé, ils l'ont pas retrouvé. Mais au-delà de ça, t'as tout le côté qu'on passe énormément de temps avec Gene Hackman et avec son personnage et avec le fait qu'on le sent de plus en plus obsédé et consumé par ses démons, tu vois. Et ça, c'est je m'y attendais pas, et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film. J'ai aucun reproche à lui faire, c'était vraiment vraiment exceptionnel. Ce qui était un petit peu de son époque, c'est quand tu vois comment les flics à l'époque obtenaient certaines informations par en frappant des mecs dans des allées derrière des bars, tu vois, et tu te dis quand même bof, la déontologie. Mais en même temps, ça colle avec ce personnage de Gene Hackman qui, en fait, est une ordure, qui n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Et il s'est fait violence, maltraiter des gens, même dans l'acting, ou les insulter, les traiter de nègres, etc. C'était pas du tout dans... Enfin, il avait, a priori, un vrai rejet de ça. Ah, d'accord. Ça a été très compliqué pour lui de se mettre dans la peau du personnage. Et sur les premiers jours de tournage, il a eu énormément de mal, et ils ont refait énormément de scènes au démarrage du tournage parce que c'était compliqué. Il a voulu arrêter le tournage après le premier jour, et Friedkin l'a envoyé voir les avocats en disant mec, dit non, t'as un contrat là, tu vas aller au bout là. Ah ben, ça aurait été dommage d'abandonner parce que sa performance, elle est irréprochable. Il prend l'Oscar. Hein. Bah ouais, mais tu comprends pourquoi, tu vois. Enfin, ouais, qu'est-ce que tu veux ? J'ai absolument rien de négatif à dire sur ce film. Je suis trop contente de l'avoir découvert, du coup, pour l'émission. Et puis, c'était un de ces grands classiques que je me devais de regarder à un moment ou un autre, et je pensais pas autant accrocher. Donc, ouais, super découverte de mon côté. Merci, Toms. My pleasure. Storm, Flo. Bon, j'y vais si tu veux, moi. Non, on va pas dire beaucoup plus, hein, d'un certain point de vue. Moi, c'était pas une découverte, je le connaissais déjà. Moi, c'est ma cam de policier. c'est un peu, tu vois, ce côté flic, un peu hard-boil, machin, bouffé par ses démons, bouffé par l'alcool, bouffé par tout. Un peu ce que tu vois dans... ce qu'on a eu un peu dans Dark Blue, tu vois. Mm-hmm. J'aime bien ce côté flic comme ça, toujours borderline. Jusqu'au boutiste. Qui est prêt... C'est ça, le mec il sait qu'il a raison et il fera tout pour y arriver. Et j'aime bien, et effectivement, bah, Gene Hackman, voilà. Moi déjà, il y a Gene Hackman et puis il y a Roy Scheider, donc forcément, ouais, moi ça me plaît déjà. De base, je trouve deux gueules exceptionnelles, je trouve. Et Friedkin, et, aux manettes. Oui, et Friedkin, ouais. Même si je suis pas forcément le plus grand fan de ce qu'il fait, mais ça c'est autre chose. Après, voilà, et t'as tout ce côté l'enquête. Moi j'adore le, comme tu dis, les courses poursuites, c'est top, la filature est top. Ce côté complètement dégueulasse de Brooklyn, quoi. Putain, t'as pas envie d'y foutre les pieds. Ça, c'est ça, clair, ça pue la misère, ça pue la drogue. Ça... C'était un coupe-gorge à l'époque, hein. Ouais, c'est hallucinant, quoi. Tu es là-dedans, tu sens que c'est... C'est pas le Brooklyn gentrifié ouais, de 2025, non, non, non, hein. C'est, ça, c'est, ouais, c'est ça. Paris 2025. Wow, ouais, wow. Peut-être. Ou Londres. Peut-être. Ouais, après, Londres, c'est ouais, pas faux. Donc, non, non, super ambiance, super ressenteuse. Enfin, ouais, c'est, voilà, ça passe nickel. C'est bien joué, c'est bien filmé, tu vois. Bien sûr, c'est propre. Après, moi, ce qui m'a fait, c'est que je l'ai regardé avec madame. Madame, elle a moins accroché, elle trouvait que c'était un petit peu mou. Ah, mince. Elle m'a dit, tu diras à Tom, j'ai préféré 100 fois Cameroon Connection. Voilà. Oh, explique-nous le pitch. Je connais pas, mais je... Eh ben, oh, bah, le pitch, c'est... C'est la même, mais à Cameroun. Fait, bah, c'est... Voilà, en gros, c'est ça, avec Bruce Lee. Et puis Alphonse Béni. C'est bon, tu me l'as vendu. C'est bon, tu me l'as vendu. Tu peux y aller, tu vas te fendre la gueule. Donc non, rien à dire. Oui, tu comprends que ça. Enfin, tu comprends que c'est culte, quoi. C'est joué, c'est super propre. Enfin, enfin, moi j'adore. Je suis très client de ce truc comme ça. C'est le flic comme ça. Enfin, le policier comme ça, c'est un truc qui marche vraiment bien sur moi. Donc ouais, il faut y aller. French Collection, ceux qui l'ont pas vu, il faut y aller, quoi. Il y a pas de souci. C'est un super film. Ce qui nous laisse Flo. Il lui, je suis sûr, détesté. Il déteste les policiers, déteste Brooklyn, déteste la drogue. Non, non, déteste les noirs. Non, ça, j'adore plutôt film, bien hein. La drogue. J'adore plutôt bien la drogue. Non, je note juste que voilà, Jess a tout de suite réagi quand on a parlé de la claque dans le casse, mais par contre là, on sort le ouais, mot on nègre. Peut pas traiter des elle noirs. A pas. C'est pour ça qu'il allait attaquer des informateurs dans des ruelles et que ça dérangeait personne. Il tabasse des oui, mecs... Oui, dont toi, ça ne te dérangeait pas. Ça me dérangeait énormément, mais c'est symptomatique des années 70. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Je pense que tout a été dit. Si, effectivement, je devais trouver un défaut à ce film, c'est que bah, le mec s'appelle Popeye, il mange pas d'épinards du tout. C'est complètement con. voilà, dans l'or. Il n'y a pas d'olive. Et... C'est alors, il n'y a pas d'olive. Il en met peut-être une à un moment donné. Mais on n'est pas sûr. Mais effectivement, ce côté documentaire, et j'irais même jusqu'à dire, je suis resté, entre guillemets, un petit peu sur ma fin, parce que la fin, je la trouve hyper abrupte, et elle termine effectivement ouais, comme un documentaire, machin a fait ça, ouais, mais montre-le-nous, plutôt que montre-nous des trucs, ouais, mais je peux comprendre qu'après, ça fait... Je trouve que ça aurait été encore plus impactant s'il terminait juste sur le... fond du noir avec le coup de feu. La mort du flic. Ouais. Non, tu sais pas s'il est mort. Parce que après, quand oui, tu sais pas, ouais, on te dit, en gros, tu sais qu'il a survécu, il a été réaffecté ailleurs, et ça t'enlève en fait cette ambiguïté qui était assez profonde parce que ça venait appuyer une scène assez dark, assez glauque. Enfin ouais, un peu dommage. Mais ouais, je trouve que la fin elle est hyper abrupte et du coup ça rajoute un petit peu plus au malaise ambiant avec bah le Brooklyn effectivement où c'est dégueulasse, c'est tout gris, t'as pas envie d'y aller hein, et pourtant bah New York c'est oh là là, ça a l'air trop bien. Non, pas dans les années 70. Donc non, bah merci hein, merci pour ce film. Voilà. Tu l'avais pas vu non plus ? Non, c'était une découverte ah, ouais, effectivement. Oui, d'accord. OK. Mais maintenant et tu puis, peux ouais, te targuer bah, Gene Hackman, Roy Scheider, bah je suis ouais, bon bah voilà, de toute façon, tu fais le duo, après c'est bon. On est plus vieux Tom hein, tu sais. C'est vrai. Surtout toi, Tom. Mais là, sur un épisode, on a écouté plusieurs classiques. Parce que Bay of Blood, La Baie Sanglante, French Connection, oui, L'Apprentie Sorcière, ouais, ils ont quand même... Je t'emmerde, Jess. Vraiment, je t'emmerde. Toujours pas, Jess. Et puis, pour ceux qui veulent la version africaine, Cameroon Connection. On peut y aller aussi. Donc. Apprendre avec des pincettes. On prend ça va pas être le même délire, mais tu vas bien rigoler. C'est sûr. Moi, je vous... Si vous le regardez, je vous conseille de jouer au jeu du shot, shot vêtement. Chaque fois qu'il y a un changement de vêtement, prenez un shot. Démerdez-vous avec ça. Allez. Le premier qui fait plus de 10 minutes de film, c'est un champion. La première scène, c'est un défilé de mode. C'est simple, voilà. Ou non, ces personnes qui changent de fringues super rapidement, là, les... Comment on appelle ? Allez, ouais, les transformistes. Les transformistes. Transformistes ? C'est ça qu'on... Ouais, transformistes. Ah, okay. Ouais, je crois. Ouais, ouais. Ouais, tu sais, c'est les mecs qui font « Je suis Optimus Prime ». What the fuck ? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur French Connection ? Non. Moi, je... Non. Bah, non si, ouais, regardez-le. Bien, regardez-le. Ouais, regardez-le. J'en ferme pas. J'ai mis tellement de temps à le regarder alors que c'est tellement bien. Donc, ouais. Foncé. T'avais jamais vu Le Parrain non plus ? Mais si, j'avais vu Le Parrain. Je t'ai expliqué que je l'avais vu, je l'avais bingé, j'avais adoré, puis je l'avais complètement oublié. Et c'est là que je m'étais dit, en fait, c'était pas si bien. J'ai essayé d'oublier ces paroles. La French Connection, c'est si vous êtes partisan du whisky au petit déjeuner, c'est pour vous. Hein, oui, oui, ouais, c'est clair. On est sur les policiers. Ouais. Tu vois, les Le whisky au petit déj. 12 paquets de clopes. Ah ouais, tout le monde on est sur du hardcore. Soit ça, c'était un truc dans chaque film. Tout le monde juste fume tout le temps dans des endroits où ça te choque. Ouais, t'as l'impression que c'est une caractéristique de personnage de fumeur. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, mais dans fumeur, les dans non, les avions, vous avez pas le rôle. Parce que ici, dans French Connection, à un moment, Charnier, il est dans un avion et il va, il y a une espèce de salle pour fumeurs dans. Au bout de l'avion, quoi. Dans l'avion ? Ouais, dans l'avion. Oui, mais je sais plus dans quel film t'avais les mecs qui fument à l'hosto. Hein. N'importe où, dans les restaurants. Mais oui, putain, bon. Waouh ! Ça fait tellement... Parce qu'en fait, nous, on a grandi, les gens fumaient encore beaucoup à l'intérieur, et puis on a vécu avec la transition où ça s'est arrêté. Moi, j'ai encore connu... Ça a été interdit, oui. Bah oui, c'est quoi, 2001, de toute façon ? Ouais, vers 2001, 2000 non, ou 2002. Moi, j'ai eu les restos... Resto fumeur, moi j'ai connu le train fumeur, c'était une catastrophe. Oh, ouais, c'est clair, c'est clair. T'es à crever quoi. Oui, oui, oui. À crever le train fumeur quoi. Ah, ça ne me manque pas. Parce que je veux, dans un avion, il me faisait rire, c'est oh, ça c'est la partie fumeuse, et il te mettait un petit rideau, et le reste de l'avion mettait dans. Oui, mais c'est. Mais il mettait un petit rideau parce que après, du coup, au coin fumeur, il pouvait ouvrir les fenêtres dans l'avion. Donc, ouais, c'est bah ça. Oui, voilà. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pour aérer. Voilà, ça fait un recyclage de l'air qui était différent dans cette partie-là de l'avion. Non, n'importe quoi. Les années 70. Si t'avais un bon système, oui, ça marchait. Mais en 70, je crois pas. Mm-hmm. Non, bah, c'était comme les restos. T'avais un coin fumeur, un coin non-fumeur. T'avais des tables à gauche, fumeur. Table à droite, non-fumeur. Je m'en souviens de ça. La fumée ne m'attend pas. Non, je suis assis au fumeur. Je suis assis au fumeur, c'est bon. Ouais, mais c'est comme Tchernobyl, hein, c'est passé... Hop, la frontière, voilà. Non. Ça s'est arrêté à la frontière. Il n'avait pas ses papiers, dommage. Est-ce que nous passons au reco ? Yep. Tout à fait. Voilà. Flo, as-tu une reco ? Oui, j'ai une reco, puisque c'est un peu le principe des recos, du coup. de la préparer et tout ça, voilà. Ouais, un petit peu. Effectivement, un podcast, pas beaucoup. Et vous trouvez ça drôle, vraiment ? Non, pas du tout. Non, c'est pas de l'autopromo. Non. Je ne suis pas un escroc à ce point-là. Peut-être que si. Non, vraiment, c'est le podcast True Crime de Christophe Ondelat qui s'appelle 100% Ondelat. Il était sur Europe 1. Maintenant, il est en indépendant. Et il a une façon de raconter les trucs. Il te fait les accents. Ah, les accents. Dans un des épisodes, là, putain, il chante c'est du Serge Lama et tout. C'est à mourir de rire. C'est mourir de rire. Il prend des crimes qui ont été commis, il fait tous les personnages, il raconte le truc avec l'accent marseillais. L'accent marseillais, c'est une pépite, c'est exceptionnel et je suis premier degré quand je dis ça. C'est même pas du foutage de gueule. Voilà. Donc allez écouter 100% de latte. C'est des épisodes qui durent quoi 10 minutes. 10 minutes, ça se binge assez facilement. Mais allez-y, mais c'est du caviar pour les oreilles. Je suis en train de me dire, dans Wasabi, ils l'auraient appelé... Attends, comment... Ah merde, putain, je sais plus mes mots. On te latte. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Au lieu non de latte. On te latte. On te latte. Putain, c'est... Oui, mais c'est le fils du préfet. Faut que j'aille manger, ouais, ouais. Je vais crever, quoi. Faut aller se reposer. Jess ? Ouais, je vais recommander une série... Beaucoup de gens parlent en ce moment, une série médicale qui s'appelle The Pitt, notamment co-créé par Noah Wyle, qu'on connaît tous de Urgence. Docteur Carter. ER, Docteur Carter, que j'adorais évidemment. Mais qui revient avec une nouvelle série médicale qui se déroule dans un hôpital à Pittsburgh, donc au service des urgences. Et c'est assez fun parce qu'on est sur une saison, la première saison de, je sais plus, 13-14 épisodes. Et chaque épisode correspond à une heure de leur shift, tu vois. Donc la le premier épisode... 24 heures chrono. Okay. Ouais, je crois qu'ils font un shift 24 de 14 heures, évidemment, vu qu'il y a 14 ou 15 heures. Enfin bref. Et donc, forcément, tous les épisodes sont reliés entre eux, puisque tu es sur un seul shift pour une saison. C'est très intelligent, c'est bien écrit, c'est parfois touchant, c'est parfois drôle, c'est souvent très intense parce que t'es dans un service des urgences dans l'Amérique USA contemporaine avec les problèmes que ça implique parce qu'on sait tous que voilà comment ils appellent ça le tu te rappelles Medicaid c'est social security sécurité sociale. Ouais, et que le droit à la médecine aux États-Unis, ben c'est pas du tout pareil que chez nous. Fake news. Ouais, et il y a c'est aussi bien que ce que tout le monde le dit, je sais qu'ils raflent pas mal de awards. Ils ont eu quelques Golden Globes, des SAG-AFTRA, pas mal de trucs. Le truc Emmys. Les Golden Globes, si. Ouais, Emmys. Mais c'est les quoi Emmys? Le correspondant anglais? Emmy Award? Ouais, les Emmys et puis... Les BAFTA. Les BAFTA, ouais. Il me semble qu'ils avaient été nommés, je sais plus s'ils en avaient eu. Mais soit, ouais, je vous la conseille à mort parce que c'est intéressant, parce que ça vient un petit peu faire l'anatomie d'une Amérique malade, surtout au niveau de ce qu'elle est capable d'offrir à ses citoyens pour les protéger, tu vois. Il n'y a plus grand-chose maintenant. Parce qu'on le voit, chaque jour, c'est dépouillé de plus en plus leur liste de liberté. Mmh. Donc moi, je la conseille. C'est pas facile parce que c'est aussi assez graphique. Il y a certaines scènes où, tu sais, ils doivent opérer d'urgence sur des gens. Il y a un mec qui, à un moment, qui use un scalpel pour ouvrir un abcès et t'as un geyser de sang qui pète à la gueule, ce genre de truc bien dégueulasse. Mais c'est intéressant, ça vaut la peine. Et puis c'est chouette de revoir Noah Wyle sur nos écrans parce qu'en plus, il joue dans la série. Il a co-écrit la série et il réalise certains épisodes. Il est donc très très impliqué dans cette série et tu le vois. Son personnage est... Ouais, son personnage, c'est le mec le docteur le plus empathique que tu puisses imaginer. Donc c'est gai aussi de passer du temps avec des personnages qui sont hyper philanthropes, qui veulent juste aider les autres. Ouais, t'es à l'opposé de Dr House. Oui, on n'est pas sur le même spectrum du tout. Donc ouais, je la recommande à mort. On est plus sur du JD dans Scrubs, quoi, à peu près. Ah oui, par contre, à voir sur HBO Max, je ne sais pas comment vous pouvez y accéder. Chez nous, on peut pas. Bah, sur HBO Max aussi. Ah, ouais. Ouais, sur HBO Max aussi. Mais nous, ou sur Canal Plus. Ok. Enfin, si, nous, on peut le voir via Prime, mais il faut un autre abonnement que Prime. Ouais, il faut un abonnement. Ah, mais vous n'avez pas l'appli HBO Max? Si, tu l'as par Prime. Je pense qu'on peut l'avoir, Prime, mais après, effectivement, tu passes par Amazon, et sur Amazon, tu as tout le catalogue HBO Max, mais il faut prendre l'abonnement HBO Max, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ou c'est inclus dans ton abonnement Canal. Regardé cette série, c'est génial, et j'ai hâte de voir la deuxième, qui est diffusée en ce moment. Storm? Yep. Eh ben moi, en reco, ça sera pas un film, ça sera un jeu vidéo. Alors que pas forcément si récent que ça, je crois qu'il doit, sortir, il doit être sorti Tekken il y a bien 3. Un an. Age an of Empires. Tekken 1. Non, c'est Doomkeeper. Et donc je crois que ça doit faire un an, une bonne année qu'il est sorti, qu'il était sorti sur PC. Et j'avais attendu, puis là il est arrivé sur Xbox, donc j'en ai profité avec le pass pour le récupérer sur Xbox. C'est un bon petit jeu sympa, indépendant, où tu joues un extraterrestre qui s'écrase sur une planète. Tu vas avoir un dôme en place. Toutes les temps de vagues, enfin tous les temps de minutes, t'as une vague d'ennemis qui va venir t'attaquer et toi, il va falloir défendre le dôme. Pour défendre ton dôme et pouvoir t'enfuir de la planète, il va falloir que tu mines sous ton dôme pour aller récupérer des différents minerais, différents matériaux pour pouvoir évoluer ton dôme et puis pour pouvoir trouver une relique enterré qui va te permettre de pouvoir quitter la planète. C'est un petit jeu indé qui est super cool. Ah, ça a l'air cool c'est comme ça. C'est hyper fun. Ouais, c'est vrai, ça mélange un petit peu stratégie, un petit peu tower défense, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que t'as une vague d'ennemis qui arrive et c'est à toi de customiser ta base pour la défendre. Et c'est très cool, c'est un jeu. Alors, il est gratuit sur le pass et de toute façon, il est sur Steam et il doit vraiment pas coûter cher, moins de 10 balles, je crois. Donc, je conseille pour ceux qui ont un peu de temps, c'est vachement cool, Doomkeeper. Voilà. Très bien. Et moi, je vais vous conseiller un film, c'est tout récent puisque je l'ai regardé pas plus tard qu'hier soir. C'est un film qui a bien marché l'année dernière, qui s'appelle Sinners. Film de Ryan Coogler avec un... Avec un tout ça parce qu'il est nominé à 16 Oscars, tu t'es dit, il faut que je le mate, c'est ça? Peut-être aussi, ouais. Mais avec un double Michael B. Jordan dedans. Donc, je ne sais pas s'il a touché deux fois le cachet pour jouer deux personnages. Donc, c'est pas, enfin, ils n'en font pas mystère parce que je crois que c'est dans la bande-annonce, hein, c'est un film de vampire. Oui, ouais. Comme diraient les méchants, c'est pas le copie de Une Nuit en Enfer. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Sauf que c'est complètement différent d'Une Nuit en Enfer. Ça se passe dans le Mississippi des années 30. Donc voilà, tu as aussi toute une partie sous-jacente sur la ségrégation, le racisme, le Ku Klux Klan. La scène finale, d'ailleurs, est assez sympathique. Je sais pas si vous l'avez vu, le film. Non. Tu l'as vu, toi, Storm? Oui. Ouais. Voilà, donc tu sais de quelle scène je parle. Oui. Et tu vois, j'ai eu tort parce que j'y avais été un peu à reculons. Ouais. Parce qu'on me l'avait tellement survendu, machin, que j'étais un petit peu... Bah moi aussi. Ouais. Je me suis dit, ah non, finalement, j'ai trop entendu le truc, trop survendu. Donc j'ai laissé le soufflet retomber. Et ouais, pareil, je trouve que c'était une bonne surprise. La photo est incroyable. La photo est tellement belle. Ça passe beaucoup de nuit. Le film se tient sur une unité de lieu, quasiment une unité de lieu et de temps. C'est-à-dire que ça se passe sur une journée, d'une après-midi jusqu'au lendemain d'un jour. Donc c'est aussi intéressant d'avoir pris ce parti-là avec des acteurs qui sont pas forcément tous très connus et voilà notamment le petit jeune, quand vous regarderez le film vous saurez de qui on parle, voilà, est une belle découverte aussi. Tu me donnes tellement envie que je viens de l'acheter quelques euros. Ah bah voilà, wow. Allez, 4 livres 99, non c'était 10 livres. Ah ouais, 10 livres carrément, quoi. Wow. Ça fait longtemps que je veux le voir. Le truc, c'est que comme vous deux, je pense que j'avais peur que la hype soit juste de la hype. Et j'attendais d'avoir des avis un peu plus à froid, où les gens ont laissé un peu la hype se retomber et puis ils donnent leur avis. Et tous les deux, vous y avez trouvé du bon. Je crois qu'il y a moyen. Le film a quelques défauts, on va pas se mentir, mais sur sa globalité, franchement, c'est très bonne, très très bon cru. Donc ouais, vas-y, ouais. Fais-toi plaisir. À ce temps, comme on parle de reco, je voulais te dire que la reco When Evil Lurks, j'avais adoré. C'était vraiment bien. T'avais dit, il est vachement bien. Et tu verras, Ateratos va te défoncer ouais, aussi. Ouais, The Refrigerator, c'est top. Celui-là, non. Ouais, c'est vrai. C'est toujours veto. Est-ce qu'on passe à notre pub, à nos actus? Oui. Vas-y, Jess. Ok, moi j'aurais dû avoir un épisode de Catch Up Source qui allait sortir en janvier, mais c'est pas sorti en janvier, ça sortira bientôt, ce qui... Un jour. Dans lequel on abordait Conclave et de Big Lebowski, il me semble. Notre prochain épisode sera consacré au film Goodbye Lenin, ou c'est Bye Bye Lenin? Goodbye Lenin? Goodbye Lenin. Goodbye Lenin et... Oh putain, et... Highlander, que mon pote Dima a... Ah, c'est un mi-souris. Que je n'ai jamais vu. Tu l'as vu tout de suite. Tu l'as vu tout de suite. Attends, Highlander, hein, le smile qui est arrivé direct. Et j'ai regardé le trailer et je me suis dit... Je sais pas. Russell Mulcahy, ça a l'air trop vieux quand même. Il ne peut en rester qu'un. Je sais que mes voisins, quand j'étais toute petite, mes voisins adoraient ce film et ils faisaient semblant de jouer avec des épées dehors dans le jardin en prétendant qu'ils étaient à Highlander. Et c'est un peu mon seul, ce que j'ai jamais vu. Mais... Bref. Flo ? Moi, de mon côté, bien, un épisode de... Et vous trouvez ça drôle, vraiment ? En février, qui est consacré... En février, ça fait tellement longtemps qu'on l'a... À l'emmerdeur, tout à fait. Mais pas la version remake, oui. La version avec Jacques Brel, et qui est, je pense, beaucoup mieux que celle avec Patrick Timsit, voilà. Celle avec Patrick Timsit, je ne l'ai pas vue, mais c'est nul. Voilà, très bien. Voilà. Ce sera un bon résumé dans notre nouveau podcast. Je ne l'ai pas vu, mais c'est quand même vachement de la merde. Star. Eh ben, nous, avec l'antre, donc on aura l'épisode du mois de février. Donc, je peux déjà dire le film. Ouais, je sais plus vas-y. Que... Bah, tu peux aussi dire qu'en janvier, on a un épisode qui est sorti aussi. Oui, ah bah oui, c'est vrai. Donc, on a l'épisode de janvier donc, qui était sorti sur des tours mortels. Donc, sur The Woman. Qui est coupé en. Non, oui, putain, oui, The Woman. Oh, non, il faut qu'on. On est. Quel millénium déjà. Il sait plus où il habite. Il sait plus où il habite. Je sais plus, je sais plus où je suis. Oui, non, oui. Putain, oui, je sais plus. Je sais plus, non. Mitterrand, non? Ouais. Waouh. Okay. Non, oui, effectivement, oui, t'as raison. On a l'épisode de The Woman qui est sorti. Putain, oui, j'avais oublié. Donc, qui est sorti, et au mois de février, on a un épisode qui va sortir. Donc, où là, on accueille un invité. Donc, que je peux citer l'invité. Vas-y, ou pas? Toi, plaise. Ah, c'est comme tu veux, sinon je le garde. Il y a des chances que cet épisode-ci sorte après l'épisode de l'antre, donc ouais. Bon, mais ça va alors. Donc, on reçoit Mère Green, donc je suis bien content. Et on va parler de Isolation. Alors, indirectement, un film. On va parler maison. Tu peux. Non, pas du tout, ça parle de vaches. Ouais, ça parle modification génétique des vaches. Ils sont génétiques sur des vaches. On est un peu dans le. Tu sais, on est dans l'actu, dans l'entre. Il y a des vaches qui meurent, hop, on fait un film sur les vaches. Oui, il y a des vaches qui sont mortes. Il y a des trucs sur les réfrigérateurs. Vite, on fait The Réfrigérateur, par exemple. La polémique avec la grippe machin, là, je sais pas quoi. Donc, bah hop, dans l'actu, paf, on fait un film avec des vaches mutantes. Ah bah, c'est. Donc. Pas bête. C'est bien que je sois encore. Évidemment qu'il y a un film avec des femmes à 8 seins. Enfin, vivant des femmes à 8 seins. Hein. On fasse un film là-dessus. Donc, on sera dans l'actu. Et chez les Baby Graveurs, début février, nous aurons un épisode où j'ai reçu une invitée prestigieuse et piquante comme du wasabi. C'était Jess. Moi. Encore. Et nous avons parlé du film Better Man, ce biopic sur Robbie Williams. On s'est bien amusé. Ouais, on s'est bien amusé. Et qui aussi vient prouver que Thomas n'est pas frileux quand il en vient aux comédies musicales, mais il faut que les comédies musicales soient bonnes. Parce que ce film n'est pas une comédie musicale. Vous m'avez hypé. Batman. Même si le film c'est pas sorti, mais vous en avez tellement bien parlé que j'ai... Ah ok, vas-y. Ok. Ça a l'air d'être un peu ma cam. Tu l'as pas vu, Batman? Non, pas encore. Bah, hâte de t'entendre nous dire que c'était vachement bien. C'était singement bien. Singement bien. Oh là là, allez. Bon. Ouais, non, il est temps de terminer, je pense. Pause camembert. Voilà, c'est clair. Allez. Quoi, la pause camembert? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des pauses, on va manger. Mais vous êtes français, et du coup, je me suis dit peut-être qu'en France, c'est l'heure du camembert. C'est du racisme, ça, madame, hein, c'est moche, ça. Hein. C'est le seul fromage qu'ils ont droit d'apporter. Non, on dit on va bouffer. Voilà. C'est... Ouais. Casser la croûte, taper du rouquin, du singe, enfin tout ce qu'il y a. On va prendre un petit frichti. Alright. À bientôt, les amis. À bientôt, salut. Ciao, ciao. We'll be right back. perdu Jess. Ouais, on s'est débarrassé d'elle, on a fait croire qu'il y avait des soucis de micro, et puis en fait... Et puis en fait, elle s'est barrée. Bah voilà. Tu as une envie particulière sur l'ordre des films ? Non, comme vous voulez. À part l'apprenti sorcière en premier, hein, évidemment. Ouais, voilà. Non, après, comme vous voulez, j'ai pas de... Ouais. Mmh. Bah attends, avec Claude Dacity, ça va pas être la merde ? Bah non, si elle l'a pas coupé, ça ira. Ouais, oui. Bon, c'est bon, la femme a dit, normalement, elle accouche pas. Ah, normalement, elle accouche pas. On a 3 heures devant nous, Storm. Attention. T'imagines le truc où Storm se barre au milieu de l'enregistrement. Ça peut être légendaire. Après, ça va. 3 heures, je pense que ça va. C'est un premier, ça devrait durer longtemps. Ils ont dit 2 heures le matin. Ils ont dit qu'il faut venir 2 heures après la perte des eaux. Donc ça va, ça passe. Ah oui. on a eu une fausse alerte la semaine dernière. Là. On s'est retrouvé aux urgences. Oui, c'est ce que tu nous as dit. Putain, super. Ah bah ça... C'était bon. Là, attends, si tu crois que il y a des moments aussi où tu crois que c'est une alerte, c'est une fausse alerte, en fait tu restes jusqu'au lendemain soir, t'es réveillé, tu fais bon, on peut y aller les gars. Ouais, ça va faire. Puis on verra bien maintenant ce que ça donne. Mais là elle a dit ça va, ça devrait le faire aujourd'hui. Bon bah ok. Ok, ouais, d'accord, okay. Très bien. Et du coup elle s'est rouvert une bière. C'est ça. Est-ce qu'il y a toujours des coupures quand je parle? Non. Bah pour le moment, non. Ok, ça va être chiant parce que comment est-ce qu'on va savoir? Ouais, ça va pas trop mal là. Ouais. Mais ouais, Jess peur sur l'aile. Ah bah elle est partie. Ouais, sinon Jess. Casse-toi. Sinon Jess, bon bébé. Sympa. Ah bah là, on a rien à foutre. Ok.